Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 4 de la saison 2014-2015 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le match de ce soir, le numéro 75, JF Combe, le numéro 21, Dave Thibodeau, le numéro 7, Mart Vero, le numéro 88, Alex Combe et le numéro 31, JF Mallette. Oh yeah! Yeah! Bonsoir les boys. Salut. On a un absent aujourd'hui, Alex Galipo, le numéro 98 qui n'est pas là. Et d'ailleurs, on me glisse à l'oreille un message du DG pour Monsieur JF Mallette, numéro 31. Vu que Galipo n'est pas là à soir, t'es upgradé sa grosse ligne. Yeah! Fait que t'es mieux de patiner fort et d'aller dans les coins parce que sinon, ah ouais, au lac la biche avec le bois mort. aucune pression. Alex, il est pas là, il est parti retirer parce qu'il me doit de l'argent. Nous sommes une émission de discussion ouverte sur les activités du Canadien Montréal de la Ligue nationale de hockey et on vous en parle bien sûr avec passion et... semi-boisson aujourd'hui, dans le cas d'Alexandre. Oui. On n'en parlera pas plus. Voilà. Parce que quand je bois, je deviens violent. C'est comme un petit malaise. Que... C'est parce que quand il boit, il se met à faire des bêtes avec n'importe qui. Là. J'ai des problèmes de santé. Ouais, c'est ça. Et de gambling. Puis on va dire qu'il est blessé au corps. C'est pas au haut, pas au bas, au blessé, corps. Ouais. Au corps au complet. Vous pouvez rejoindre la soirée du podcast sur Twitter, Facebook et Google+. Notre show est disponible en vidéo sur YouTube et en audio version podcast sur iTunes, Stitcher et sur RZO. Allez faire un tour sur notre site web, lasoiréedupodcast.ca. Yeah. T'es hâte, tu regardes la caméra. J'essaye, là, pour le il doit y avoir une personne qui nous écoute présentement. Salut. Allô. Il y a effectivement, bien chez nous. Il y a effectivement une personne. C'est toi? Non. J. Benoît. Oh, alors. Bienvenue, J. Benoît. Bienvenue, J. Benoît. Et sur ça, on va. Est-ce qu'on a quelqu'un qui connaît ce J. Benoît? Ah, écoute, on pourrait se consulter. Hey, si tu veux. Aujourd'hui, là, mon défi, là, je vais tout nommer le monde qui va venir nous écouter live. Là, je nomme J. Benoît. Good. Hey, J. Benoît, là, t'es, t'es la first star. Là, soirée, là, pour vrai. La première étoile, the first star. Alors, sur ça, on va aller faire l'avant-match. Ah oui. Ah, il s'est passé beaucoup de choses depuis les dernières semaines avec le Canadien de Montréal et dans la Ligue en général. Avant de commencer, ben, faisons ce qu'on fait. À chaque semaine, on va donner un peu les résultats du pool, les cinq premières positions. Ah, tabarnak. Et dans la honte, nos positions à nous. Alors, numéro 5, Mathieu Approl. En quatrième position, Samuel Lachaine. Troisième position, Jacques Germain. Deuxième position, Mathieu Gilina. Et première position, Steve Fortier. Bon, pour ce qui est de nous autres, à cette heure... Je suis loin. Ouais. En 14e position, Alex Galipo, moi-même, JF Kromp en 19e, Martin est en 22e, JF Mallette 27, Alex Kromp 30 et Dave 38 sur 46. J'ai genre comme 4 joueurs blessés. Là. Ah, j'ai même pas regardé depuis le début. D'ailleurs, on est au mois de novembre, on vous rappelle que vous pouvez faire un échange dans le mois de novembre présentement. Alors allez faire ça si vous avez du bois mort qui traîne. Là. Et le gagnant se méritera un merveilleux prix. Oui, rappelle-nous les prix. C'est quoi les prix, c'est-tu, déjà? Ça va être un package deal. Ouais, on parle de... Une soirée beauté. Ouais, une soirée beauté, peut-être on un parle, paquet avec... J'ai grand besoin là. D'une manucure. On va vous fournir un kit de bébé crème. Ah, c'est un kit de départ de la soirée du podcast. Ouais, on parle ici d'un t-shirt, on parle de sous-verts, de cartes de hockey, et peut-être de même sous-vêtements. De sous-vêtements sexy. Ouais, un petit gistrique pour sous-vêtements votre à la soirée du podcast. Ouais, avec notre sous-vêtements soyeux, une babette mangeable, avec nos faces dessus. Un bas sous-vêtement. Les gars, on arrive à peu près au quart de la saison. Trouvez-vous qu'on a du bon hockey jusqu'à date cette année? Comment aimez-vous la Ligue nationale en général? Là? Ben, c'est cool. Là. Ben, les starts sont tout le temps... excitant là, dans le. Ça ralentit un peu plus loin. Ouais, là. C'est ça. Après, puis, fêtes, ça va revenir excitant, je te dirais, avant les séries. Là. Puis c'est là qu'on va voir c'est qui va se placer pour être plus peut-être des favoris, peut-être pour la Coupe Stanley ou quelque chose de même. Mais non, avec non, c'est bon, sérieusement, on a un bon show. Puis il y a bien des jeunes aussi qui progressent puis qui. Ben, il y a des joueurs cette année que je pense là, que ça patine en est. Plein de monde ne s'attendait pas de voir. Là. Oui. Ouais, entre autres, en à Saint-Louis, Tarasenko. Tarasenko. Il est toujours des highlights. Il n'y a pas personne qui. Ouais, je pensais là, qu'il le voyait. Fou. Ouais, mais je pense pas que personne le voyait tant que ça, là, de genre exploser. Là. Pas tout de suite. Honnêtement. Là. Ben, l'année passée, il avait fait des hosties. Parce qu'il était blessé beaucoup, ce gars-là. Parce que l'année passée, il a fait le début ouais, de l'année. Ouais, mais je pense pas que personne l'avait vu, genre, où ce qui est là, là, présentement. Là. Ben, il a le potentiel pour être là, par exemple. Peut-être. Parce qu'il est spectaculaire. Tu l'avais-tu vu là, toi, cette année? Ah, j'avais pas de misère à le croire qu'il serait là, là tôt ou tard. Tu réponds pas à la question. Tu détournes. Ben, sérieusement. Tu roules la cassette, Marl, encore. Là. Non, mais c'est parce que ce gars-là, il est tout le temps blessé. Il est rongé par les blessures, là. Puis c'est peut-être ça qui va peut-être miner sa carrière à long terme. Mais je veux dire, il est spectaculaire. L'année passée, il avait commencé de même. En tout cas, à court terme, il a été troisième étoile de la Ligue nationale, je pense, cette semaine, Tarasenko, justement. Ouais. Et ce gars-là, là, il est capable de faire, c'est un genre, ben, il a un nasty shoot à part de ça. Il est quick shot, il peut faire des feintes de mongol, il est capable de passer trois gars, pas de trouble, là. Un peu comme une pute. Bon, et justement, avant de commencer, on avait un dernier petit sujet pour l'avant-match. Est-ce que ça n'a pas rapport, ça? Mais ça va avoir rapport parce qu'il y a mon frère qui voulait qu'on parle de la fille qui a chanté les hymnes nationaux hier. Ah! Ok, c'était un lien, c'était préparé. C'était comme un lien. Ben, c'était pas préparé, on est tellement là. En tout cas, on n'endosse pas la prostitution, ceci étant. Donolo? Donolo? Donolo? Brianna Dildo. Ouais. Dildo. Ah, t'as une blonde, t'oublies pas. Ouais. Il y a une boîte de Kleenex canadien ici, si t'as besoin. Elle tient le micro de même, là, puis elle avait la bouche ouverte quand elle chantait le national. C'était beau à voir. Ah, tel Mitt Romney devant des pogos. Le micro, là, j'aurais aimé ça être à la place du micro un petit peu quand même. On lui demandera demain. Calme. Ouais, d'après moi, c'est pas la dernière fois qu'on la voit chanter. Ouais, ouais hein, d'après ben, moi. Honnêtement, je l'expliquais pas bien chanter. C'est que Charles Prévost. Oh, il est où Charles Prévost? Ouais, je sais pas. Je pense que j'ai entendu une affaire, je l'ai pas parlé au podcast. Là, ouais, ça a l'air qu'il a fait une pub pour une autre compagnie de bière que Molson, puis la saison passée, puis ils l'ont comme kick out. Ça, c'est une affaire que j'ai entendu, c'est-tu vrai ça? Hey, ça là, faudrait demander à Geoff. Geoff Molson? Ouais. Demandons-y. Check donc. Appelle-le. Il est où le mouton blanc? Je me suis retenu sur mes commentaires de Miss d'hier. Ouais. Ma blonde vient de me texter. Oh. Elle écoute le show. Fait que... OK, fait que c'est elle. C'est elle, GF. Fait que dans le fond, elle était pas vraiment cute. Elle était lette, sti, puis... Non, sérieusement, puis... Elle était vraiment pas belle. Elle était vraiment pas plantée. Non. Tu l'aurais pas plantée. Personne non, mais non. Mais non. Il n'y a pas de malaise du tout. Hein. En tout cas, tes jeans disent le contraire. T'as l'air serré à l'étroit. Donne-lui donc une coupe de Kleenex. À Détroit. Dave, il a dit à Détroit. T'as vraiment l'air d'être à Détroit, toi, là, dans ton pantalon. Bon, okay. Sur ça, on va... Là, assez parlé. Parlons de Youpee un peu. Hein. Ouais, Youpee, lui, il était-tu barré? Justement, il était avec Donolo hier. Il avait l'air d'une grosse crotte de fromage, finalement. Comme d'habitude, là. Pas bien Donolo, anyway, c'est italien, ça, comme nom. Là, ça, parlant de Youpee, hein, si jamais les expos reviennent, il va se passer quoi avec Youpee? Ouais. Youpi va te faire deux sports si les expos reviennent. Il va être au stade puis ouais, au Centre Bell. On l'échange-tu si. Ben là, calme-toi. Considération là. Future. Ouais, la Nordic Nation. On au est parti au Québec. Des expos, là, tu parles qu'ils reviennent. Ouais, si les expos reviennent, on fait quoi on avec Youpi? On se débarrasse de Youpi, on l'échange. Ben non, leur ship Youpi, man, hostie, puis tu vas buster Badaboum. Quand les Nordiques vont venir. Badaboum, quand les Nordiques vont venir, ça va être la bombe à mascotte. Ils ramasseront et restent, hostie. C'est la bombe. Bon, je veux pas Badaboum. La bombe. La bombe, il va être une mascotte. Il va se promener. C'est une mascotte en soi. Fait que sur ça, on va commencer la première période. Bon. On leur dit encore une fois, Dave Mood, Station Hall. Celui-là, il était vraiment pas time. Ça sent la pizza à l'air. C'est clair. Bon, comme je disais tantôt, on était un peu au quart de la saison. Fait qu'on fait ça un genre de mini bilan du CH. Un peu là. Oui. On fait pas nos plus, nos moins. Ouais, mais ça va être tout de suite après. Parce que là, j'ai un extrait de. On peut commencer avec ça dans le fond. Bergevin a parlé dans sa conférence de presse cette semaine de son. Il a parlé qu'il a fait un rêve puis qu'il a été chercher une bonne assiette. Ouais, j'en parlais tantôt de son rêve, mais là, on n'est pas rendu là encore. Okay. Dave, là. Là, on va écouter ce que Bergevin a à dire sur le début de saison du CH dans le fond. Ben écoute, faire un bilan est un peu tôt, mais je peux dire en général, la fiche est bonne. J'aime autant avoir cette fiche-là que renversée. C'est certain, il faut s'améliorer. Tu me parlais de marquer des buts. Moi, Je suis un firm believer que ça commence tout avec le gardien et en montant. Alors, avec Carey, je pense qu'on est très bien, très bonne position. C'est un bon point. Il faut en l'ensemble améliorer notre jeu défensivement. Comme vous voyez dans les séries, quand tu fais des séries, c'est des 2-1, 3-2, 1-0. Les stats random. L'important pour moi, c'est pas de se concentrer, de marquer plus de buts, mais d'empêcher. Alors ça, c'est un travail d'équipe. C'est un commitment. Il faut qu'on soit « we're left to be committed defensively ». Je pense que Michel et son staff travaillent beaucoup là-dessus. Oh, j'adore Benjamin. Il se met à parler en anglais, mais mieux parce qu'il ne sait plus quoi dire. Non, bien cool, Benjamin. Mais une affaire, en tout cas. La face de Magou. Là. La face de Magou avec des lunettes stylées et une petite moustache molle. Il est terrible. Mais ouais, au moins Bergevin, finalement un DG qui n'a pas la langue de bois, il admet qu'on a des lacunes en défense et qu'il faut améliorer ça. C'est une affaire qu'on parle souvent ici, là, je pense, la défensive, justement. Mais la langue de bois doit pas être confortable sur le cunnilingus. Ça fait des écharpes dans l'entrejambe. Avez-vous de quoi dire, vous, sur le début de saison, là? Ou on passe à nos plus et nos moins directement? Ben, on a eu une erreur de parcours. Je pense que ça date depuis le mois d'octobre là, dans l'Ouest, là, les trois matchs en quatre soirs. Là. Ça faisait dur, mais je pense qu'on s'est replacé défensivement Mais la lacune, je pense qu'elle était là. Là, c'est la séquence que tout le monde s'est mis à paniquer, là, dans le fond, puis dire « Ah, Montréal, est-ce que dans le fond, c'est bien ce qu'on a vu les victoires. » Montréal, c'est tout le temps. Ouais, c'est une équipe de tradition. Ben, la tradition, c'est qu'on perd dans l'Ouest au début de la saison. C'est ça. Ben, moi, honnêtement, j'étais en tabarnak là, quand on perdait dans l'Ouest. Je capotais. Puis la raison est bien simple. Je trouvais que le coach était ça, ben trop sérieux. moi, je dors pas le soir. Ben, croche, si. Le coaching staff n'ont pas pris les bonnes décisions, je trouvais. Puis Bergevin, je pense qu'il a réglé le problème. Là. On va en parler tantôt, là, mais il était temps. Nasty, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on parle de ça? Là? Ouais. On en parlera même en deuxième. Je sais pas de quoi tu parles. Ah, c'est parce que je garde le sujet pour tout à l'heure. Faut laisser planer le suspense un peu. Là. Je peux te donner des hashtags si tu veux. Pour le monde qui nous écoute, là. Avec ma blonde, tu resteras, là, ça va être malade tantôt. Ouais, on a des nouveaux hashtags d'ailleurs. On a Imlin Boom qui a commencé à faire fureur sur Twitter cette semaine. Puis, surtout qu'il a fait beaucoup de mises en échec dans les dernières games. Oh, ouais, boom, boom, boom. Puis on va parler de Gunchar en deuxième, mais. Papy Gunchar, s'il vous plaît, vous pouvez utiliser ça comme hashtag. Pour parler de Gunchar, c'est parfait. Alors, Papy ou Pipi Gunchar? Ben, Pipi pour le powerplay, puis Papy pour son âge. Les deux sont acceptés. Aussi. Ah, Pépé, ouais, j'avoue, ça marche. Là. Hey, lui, il en a vu des pogos dans sa carrière. Qui ça? Papy Gunchar. Après, ça, il a joué combien de temps? 40 ans? Non, 20 ans dans l'équipe. 20 ans. il y a des joueurs du CH qui n'étaient même pas nés quand il a signé son premier contrat. Ouais. On en reparlera tantôt. Ah non, mais c'est sûr. Puis lui, il a vu des gars que... En 92, genre. Et qui ont fini une ère différente de hockey. Que le hockey a tellement changé depuis ce temps-là. Il a fait une transition. Là. Il est arrivé en 94. Quand lui est arrivé, il y avait des vieux joueurs qui finissaient déjà, qui dataient des années 70-80, mettons. Ben, là. Genre, là. Il a vécu toutes les lockouts. Oui. Il a même vécu l'ère gainée, le plan quinquennal, tout. Mais il l'a pas vécu. Il était dans la ligue, là. Ah, il était là. Bon, fait qu'on va passer à nos... Ça pour être là, il était là. Passons à nos plus et nos moins. On va faire un tour de table de nos plus présentement. Fait que vas-y donc, JF, vu que tu parlais, commence par tes plus. Mon plus, pas compliqué. Lars Eller et Irji Sikac. L'harceleur sexuel? Ouais. Ouais, ben honnêtement, là, depuis que Bourque est plus sur le trio, ces gars-là sont en feu. Puis Sikac, j'ai aimé la comparaison que quelqu'un a dit à la radio aujourd'hui dans la télé anglaise. Ça sonne pas bien ce que j'ai dit. La radio en anglaise. OK, t'avais tu il comparait en tout cas whatever. Pavanek. Il comparait Yeri Sekac à Milan et Djouk. Irji. Ouais, Pierrot il aime ça racheter des lettres. Et moi puis, je l'appelle Jerry Sekac là, je sais pas. Là. Ouais, en tout cas les semences de Plekanec a très bien fait depuis son retour au jeu. Les semences de Plekanec. En tout cas, regarde, Chris, sa bière est pas bonne, si je capote. Mais non, mais honnêtement, là, sérieusement, ce trio-là m'a impressionné. Puis on a enfin trois trios équilibrés qui nous permet vraiment de jouer un bon 60 minutes. Fait que c'est mon plus, sans aucun doute. Ben, c'est bon, c'est bon. Martin, t'as-tu un plus de préparer ou t'es encore pas prêt? Moi, mon plus, c'est hier, Dale Weiss sur sa mise en échec sur Campbell. Puis après ça, une bonne shot. Là, son bon gros soccer punch. Ben ouais, ben là, Chris, pas le choix. Non, il était pas soccer punch. C'est contre les Bruins, c'est carré. Le plus hot punch, c'est celui de Beaulieu, par exemple, qui a knocké Frazier. C'était pas soccer punch aussi. C'était battu contre l'autre, mais l'autre voulait pas se battre. Ouais, oui, c'est parce que là, tu voulais pas se battre. Si c'était contre n'importe quelle autre équipe que les Bruins, j'aurais dit que c'était un soccer punch, mais c'est contre les Bruins, on s'en colle. C'est ça, c'est un bon punch. D'ailleurs, ça, c'est un nouveau hashtag utilisé pour Dale Weiss. Utilisez le hashtag DeLouise. Ouais, ouais, ouais. Non, non, je suis un peu à joke, là, tout ça, parce que c'est sûr, j'aime la peau de la violence. Hockey, tout ça. Mais non, pas la peau de la violence. Ça se dit, ce combat-là, il est arrivé. Non, ce que j'ai aimé, c'est que. T'as peu. Dale Weiss, pour vrai, il a fait sa mise en échec comme vraiment solide du Campbell, là, qui était, comme, était limite, ok? C'était limite. Mais Campbell, il a été après ça le revoir, puis Dale Weiss, il a assumé sa shot, puis il a fait comme let's go, man. Il a pas attendu. Il a pas attendu. Alors, il a acheté les gars dessus, puis il a fait. Ouais, fuck it, man, aussi. Tu veux me parler? C'est parce qu'il lâche pas. Tu veux être l'agresseur, tu veux pas être l'agneau, ok? C'est toi le loup, c'est pas toi l'agneau. Fuck it. Il l'a soigné déjà. Il est encore à 3 mètres de lui, t'en as déjà. Dégorge ça comme un agneau vers la mec. Bon, ok, mais. Halal. Question pour toi, mon Mart, sais-tu combien de minutes a joué Dale Weiss hier? Il en a pas joué. Il a joué en 9 minutes. 8 minutes 50 secondes. Il a fait le Gordie Howe en 8 minutes 50 secondes. Ouais. Oh, mais c'est pas un gars qui joue tant de minutes non plus. Non, mais il a quand même fait un peu de minutes. Non, mais ces minutes sont valorisantes. C'est quand même quelque chose. Mohan n'aurait jamais fait ça en 3 heures. Non, non, mais t'as peu. Hier, Weiss, il a apporté du tempo en hostile. Qui a lancé la game, c'est lui qui a tout lancé comme. Parce que Montréal, en première période, je veux dire, ça a pas sorti, là. Non, puis je veux dire, Boston avait l'avantage. Mm. Puis oui, ça a vraiment comme mis le tempo. Puis Prost et tout, mon gars, il a joué une bonne. Prost, qu'est-ce que ta blonde, veux-tu nous dire de quoi? Qu'est-ce non, mais ma blonde, vient dire, ma blonde, elle vient de dire qu'elle écoute plus, là. On s'entend-tu qu'elle était plantée en tabarnak? Là, j'en ai rêvé, Golis. Ah ouais, là, tu t'es tellement fait prendre au jeu, mon gars. Elle t'écoute tellement, dans le fond. Elle voulait tellement avoir ton opinion, mon gars. Là. Non, mais. Ok, hey, tout ça pour dire finalement que mon plus, dans le fond, ben, okay, un peu de Weiss, tout ça, mais je le donne à Bergevin d'avoir sacré dehors les deux c'est gars. Bon, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est comme c'est. Enfin, Bergevin annonce les couleurs, dit nous autres, là, on n'en veut pas des hosties de train de savate, tout puis tout le monde qui se casse pas, fuck it. Nous autres, on bouge en avant, puis c'est le monde embarque dans le bateau, sinon tu vas aller chier, puis c'est pas parce que t'as un contrat de 3,4 millions, whatever, que je peux pas te descendre d'un mineur. Tu vas y aller traîner fuck ta poche au lac la biche. Dave, t'es plus, je vais y aller avec un petit combiné. Vas-y donc, t'as le droit. Premièrement, ben, je vais le faire pour Alex. Un combiné de spatio? Non, un combiné viande froide. C'est une spéciale spatio. De chez ça, de Subway. Un petit combiné viande froide, je vais donner ça pour faire plaisir à Galipo. À Lars Eller, oui. C'est la team de la non, non. Hey, man. Non, vraiment pas. À Lars, parce que je suis pas un très gros fan de Lars, puis je vois le potentiel dans ce gars-là, mais on dirait que ça aboutit jamais nulle part. Puis je pense que bon, ses catchs est pour quelque chose parce que ce gars-là est. Ses catchs, je parle, là, il est tellement intelligent avec la rondelle. Puis, il est rapide, il est solide. Il a des mains. C'est parce qu'il est capable de servir de ses mains. Ça, il est rapide, il est solide, puis il est intelligent avec la rondelle. Quand il fait de quoi, il fait pas pour n'importe quelle raison. Tout est pensé, mon gars. Il réagit là, au quart de tour. Il a un bon patin, puis il a des bonnes mains. Là. Surtout, il est capable de shafter du monde, lui, là dans la portion. Ouais, j'aime mieux quand je shafte pas trop. Mais fait que Lars Eller est combiné avec Sekach, je dirais ce duo-là a vraiment été impressionnant dans la dernière game. Puis je vais donner un plus à un joueur qui je trouve a été peut-être un peu comme oublié depuis le début de la saison, notre général à défense, Markov. Je vais aller parler de Tom Gilbert. Si lui avait pas été là si lui avait pas été là depuis le début de la. C'est le seul défenseur qu'on n'a pas parlé. Ben qui est fiable à chaque crise de game, puis qui se présente, puis qui est là. Puis c'est rare en crise qu'on a une mauvaise dans le système. Mais Chris, Markov, là, je voulais juste ce qu'il donnait. Puis en plus, Markov a atteint. Il a atteint un plateau, on m'en parlait tout à l'heure quand on va faire le résumé des matchs. Alex, vas-y non pour ton plus, tes plus. Oh boy, un petit chaud dans la gorge. Moi, mon plus, je vais y aller avec la chanteuse des hymnes nationaux d'hier. Non, sans farce, je vais le donner à Bourque parce qu'il m'a donné 20$. Il m'a fait gagner 20$. Et sinon. Techniquement, il n'a pas joué 20 games encore. Ah, mais je m'en calais. Puis, non, sérieusement, j'ai pas le choix de le donner à Serge Sekach. Non, à Sekach parce que il est capable de faire rouler Eller. Puis Eller, il s'en allait nulle part avant que Bourque s'en aille et qu'Eller prenne la place. Ouais. Fait que donnons-lui crédit. Il fait rouler du bois qui était mort jusqu'au début de l'année. Il a ravivé la flamme du bois. Ben là, mais il y avait un point quand il s'est fait bencher, je pense. Il avait scoré contre Boston. Il avait scoré un but. Puis il est rendu à 5 points. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas s'énerver trop vite, mais pour l'instant, ça va quand même. Ah non, il joue bien. Non, mais là, on parle par séquence. C'est sûr, ouais, mais on voit que le changement d'air leur fait du bien là, quand même. Il y a des bonnes mains, il s'implique, il fait du forecheck. Il joue bien, c'est le fun. Ouais, c'est cool à voir. Bon, on m'a donné mon plus, moi aussi, à Sekhatch, parce que toutes les raisons qui ont été mentionnées. Puis je vais donner un petit plus à Darnay aussi, pendant qu'on y est. Darnay, qui joue très bien, je trouve, depuis le début de la saison. Il est dans les tops de la Ligue pour quelque chose, je me rappelle plus quoi. Là. Des mises au jeu en zone offensive. Ouais, c'est ça. Mais il dirige bien la puck, il lâche jamais. Puis contrairement à la... Je pense pas que cette année, Coderre voudrait leur descendre. Là, non, Darnay, là, très bon joueur avec... ses coéquipiers, fait que petit plus à Desharnais, faut pas l'oublier. Il est plus neuf, là, Desharnais, en ce moment. Ah, il est plus neuf en plus. Bon, ah, si, ouais, c'est bon, ça. Il est plus neuf que vieux. Il est au top avec Patrick Reddy, mon... là. J'avais pas mon son de Red de Trunchi. Ah oui, joli, c'est un. Yeah. Un peu late, mais c'est pas grave. Un peu late. Il y a même de la foule. C'était comme un late check un peu dans le dos. Ouais, c'est ça. Fait qu'allons-y pour nos moins. Vas-y, ouais, Jeff, avec un Wheeze. Ben, moi, mon moins, c'est Subban. Puis je m'explique. Ouais. Ce gars-là, c'est incroyable les erreurs qu'il fait. Juste la game contre Winnipeg, à un moment donné, sur le power play, il fait une petite passe par en arrière, puis ça crée un 2 contre 1, un 2 contre 0 pour Price. Fait que merci pour le poteau. Puis en plus, il est 21 revirements depuis le début de la saison. Je pense qu'il sous-estime les adversaires. Il se croit meilleur que les autres. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec Subban en tant que tel, là, présentement? Il se prend pas au sérieux ou il se pense meilleur qu'il est? Je pense qu'il se prend... Il se pense pas meilleur qu'il est, mais je pense qu'il sous-estime l'adversaire. On dirait qu'il pense qu'il est meilleur que tout le monde. Ouais. Il oublie qu'il est dans la ligne nationale. S'il fait ses petits jeux fancy, c'est sûr qu'il va se faire enlever à puck à un moment donné. Il faudrait qu'il garde les jeux simples parce que si je compare, mettons, les meilleurs défenseurs de la Ligue, Doughty, Petrangelo, puis nommez-en d'autres, Subban, il ne fait pas partie de ce groupe-là Duncan présentement, Key de loin. C'est parce qu'il est un peu dans son style. T'sais, c'est sûr, son style, il va chercher ça. Lui, c'est un exubérant, puis on dirait qu'il aime ça tout à l'heure comme beurrer un petit peu plus épais à la dose. Là, ben, malheureusement, il devrait garder ça simple. Puis c'est pas pour rien que sur le power play, ça marche pas. Sa job, c'est de shotter au net. Il shot pas. Puis il fait le temps sa même shot. Mais à sa défense, il est tout le temps quelqu'un devant. Shot, mais c'est ça, parce qu'à un moment donné, il est marqué aussi. Ouais, mais il fait tout le temps le même jeu aussi. Là. Il a beau avoir tout le temps quelqu'un devant, il fait tout le temps le même crise. Ouais, mais là, au dernier power play contre cette semaine, là, contre les Bruins, justement, on voyait que la tendance avait l'air de vouloir changer, puis qu'il essayait de bouger plus la rondelle, puis pas juste axer ça sur le shot. Là. Ouais, mais le power play est axé sa shot à Subban. Il n'y a rien d'autre à part de ça. On n'a pas de gars en avant qui fait un one-timer. Ah, mais moi, je m'ennuyais de Camilleri d'un sens, parce que Camilleri, quand il était posté à Lille, sur le bord du poteau, il recevait à part sur le tape, mon gars. Mais qu'est-ce qui manque, one-timer, moi, on voit moins, on ne l'a pas vu beaucoup cette année, là. C'est Markov monté, man, du côté gauche. Ouais, parce que il fait plus ça. Ben, il l'a fait. Il l'a fait hier. Hier, il l'a fait parce que chose est arrivée. C'est ça. Puis là, ils ont fait ça comme une formation la, que là, la ça, possibilité ils ont, de ils ont le plus faire. Switché, mais ça manque, là, parce qu'il a compté quand même souvent de même. Ou en tout cas, peut-être pas juste des buts, mais il a créé des bons retours et des chances de marquer. La chute à Subban, ou souvent, juste la même position pas honnête, qui quand même, elle sera honnête, elle est genre 3 pieds en haut. Ben, c'est parce que c'est télégraphié. C'est hyper télégraphié. Tout le monde, puis tout le monde, il y a pas de visu, on dirait. Je sais pas, il est pas dedans. Ben, on a scoré un hostie, on est passé de même. Besoin que ton moins, Marthe. Mon moins, c'est mon moins. Je sais pas. Mon moins, pour vrai. À chaque fois, je sais pas. Mettre tout le monde sur le moins. Mon moins, je vais le donner, hostie, à... Hey, sérieusement, je vais donner à Prost, là, pour vrai. Là, il y a eu une bonne game là, récemment. Là, il y a eu une bonne game. Depuis qu'il est avec ses catchs, puis alors, ça va bien. Mais, je sais pas, jusqu'à date, j'ai hâte de le voir. Là, il n'a pas livré tant que ça, là, pour vrai. Puis, on se demande ce qu'il faisait. Tant que Bourque n'était pas parti, moi, je le cherchais. Je ne l'ai pas vu. Là, Il était malheureux, on dirait. Là, il veut pas grinder. Je te dirais qu'au début de la saison, ça aurait été un bon mois, mais je parle pour les dernières games. Je trouve qu'il a quand même été meilleur. Ouais, je sais pas. Hier, attends, David, pas là, game, Martin a droit à son opinion. Oh, ouais. Respecte son opinion. Je fais juste passer un commentaire. Donnez donc de bord ton moins, Dave. Ben, moi, je m'aligne pour Subban, moi aussi. Ouais. Pour à peu près les mêmes raisons, parce que je trouve que malgré, tu sais, il y a 9 points, il est moins 1, là. Mais il y a 9. Mais tu sais, son côté défensif, là. C'est pas juste à l'attaque. Je veux dire, oui, il performe à l'attaque, c'est correct. C'est un défenseur offensif. Mais son côté défensif, des revirements, mon gars, par-dessus revirements. il se fait prendre à contre-pied. Hey, l'avez-vous vu, là? Je me souviens pas d'une game, mais c'était enfargé dans la ligne bleue, man. Ouais, ça a créé un breakaway. Hey, il est tombé sur le cul en s'enfargeant dans la ligne. Ça, me semble. Je vais avancer de quoi, là? C'était pas contre Winnipeg, ça aussi? Ouais, ça se peut. Ça se peut, mais je capotais. C'est comme Chris, c'est enfargé dans la ligne bleue. J'ai pas les stats, mais d'après moi, Subban a plus de revirements que Gilbert, là, présentement. Hey, ben justement, je voulais laisser aller le mal-aimer un peu cette semaine. Parce que Gilbert, là, on a beau chialer contre. Ben, tu sais, Chris, il est plus 8. Tabarnak, ok. Hein. Mr. Fancy il Stat. Il est pas ouais. Ouais, mais on va en parler tantôt de ça. Mais des plus moins, c'est quand même une stat qui en ouais, c'est pas une fancy sauf, stat. Sauf qu'en même temps, c'est pas une fancy stat, puis en même temps, il a été pairé souvent avec Markov. Puis justement, ça Markov, il est assez fiable, tu sais. Ben, fait que ça aide en tabarnak. Markov, c'est lui qui a quand même donné le contrat à Commissaire Rec, là. Ça aide en crise de jouer avec Markov. Mais je voulais laisser le mal-aimer un peu cette semaine parce que justement, bon, il est plus 8, Chris, on peut l'abandonner. Puis je trouve présentement que Subban, côté défensif, là, il fait un job exécrable selon moi. Ouais, il a peut-être été sa faiblesse. Pas, tout, ouais, mais je suis d'accord. Mais l'année passée, dans les séries, j'aimerais revoir ce Subban-là qui était beaucoup contre plus Boston, présent. Ouais. Puis qui était partout, là, autant offensivement que défensivement. Là, à date, cette année. Ouais, mais c'est souvent le même quand il signe un nouveau contrat et joueur, on dirait, là, je sais pas toi, il punk comme c'est de valeur parce que je pensais pas que ça arriverait. J'ai même pas peur qu'il va se replacer. Ouais. Là, présentement, dans la série de matchs qui viennent de passer, je te dirais, dans les dernières deux semaines depuis le dernier podcast, Chris, oui, je pense qu'il mérite un moins. Là. Ouais. Alexandre, ton moins? Je pourrais dire. Respire fort de la gorge un peu, là, comme Terry. je pourrais dire Plekanec parce qu'il était à veille de me faire perdre 20$, mais. mais je vais dire Subban aussi. pour les mêmes raisons et oui, pour tous les revirements, là, parce que c'est dégueulasse. Il pourrait garder sa puck. Il essaie de faire des tourniquettes, des triple axel, là, puis il perd la puck à la ligne bleue quand c'est le dernier défenseur. Ça me fait capoter. C'est bon, on estie en patinage puis, de fantaisie. Mais en, plus, paid, en plus, je trouve qu'on dirait qu'il perd. Hier, il a vraiment perdu son focus de la game. Quand Lucic est allé chercher, il est allé geler, je me souviens plus qui. C'est catch. Il est allé geler, c'est catch. Un hit bien normal, open ice, mais c'était légal. Ouais. Il est allé le chercher avec un esti de cross-check dans le chest. Il a perdu la carte bien raide. Lui, il avait pas de pénalité de caler. On est en avance. Calme-toi, là. Ouais, il y a un petit slashing, là. Dit que lâche un petit pet, là, parce que c'est pareil que c'est son fort, lâcher des petits pets. Oh oui, ça puis, donne-lui un petit slashing, c'est tibia, puis après ça, des calices, là, parce que tu gagnes la game. Il a complètement perdu son focus, puis c'est bizarre que c'est pas un joueur de même, avec un esti de contrat de même, puis le Norris de l'année passée, je sais pas. Il te cherche, là. Tu me fais penser à quoi, Alex? Parce que je pense que Subban, c'est le pire défenseur pour pogner des 2 minutes dans la ligue. Ben oui, ouais. Il est pénalisé au fond. Il serait payant dans un pot si les 2 minutes comptaient, là, mais ça n'a vraiment pas de sens. Là. Son C, je pense qu'il ne mérite pas. Non. Ben, moi, j'ai jamais... vraiment pas. Ouais, pas présentement, en tout cas, là, pas ce qu'on voit cette année. Moi, je ne l'ai jamais vu comme un candidat comme de style capitaine là, dans mon. Dans ma façon que je vois les choses. J'allais pas dire dans mon livre à moi. Ben, on a Alex là, qui chiale dans le chat. Ah, il est dans le chat, lui, là. Il vient pas, mais il vient chialer pareil. Qu'est-ce qu'il dit, Alex, dans le chat? Ben, il a dit Chris Mart, il joue 10 minutes par game, boo, par rapport à Pross, probablement. Bon, c'est ma calisse. Quand tu joues 10 minutes, sors tes épaules, le gros. En parlant probablement de Subban, il dit il shot même plus, c'est ça le problème. Il dit qu'il pense trop, blablabla, c'est ça. Il pense trop. Quand t'es pas dans le studio, t'as pas droit à ton commentaire, ouais. Alex. Quand t'es pas dans le studio, là, tu fermes ta gueule! Son moins, c'est Gilbert. Trop de turnover, puis son plus, c'est Heller, la troisième ligne en général. Bon. Arabe, assez Alex, il est pas là, le bétain. Qui mange de la colline de merde, c'est qui chie, qui mange de la merde, qui mange de la merde, qui chie. Ben non, Alex, on t'aime, c'est pas vrai. Ben non. Calice, Alex, lâche Gilbert, ce pauvre gars. Pauvre gars, il est plus 8. Bon, là. C'est bien, toi, Dave, tu le prends en pitié. Là, non, Dave est bandé Gilbert, puis tu es un Kleenex canadien, Dave. Ouais. Mais non, il est juste. Il est pas mauvais. Il est juste pas bon. Non, non, il est pas mauvais, mais. Il a pas de nuance. Il est ce gars-là. C'est notre carte d'accord. Il est pas mauvais. C'est un sixième défenseur. Chris fait sa job. C'est ça. Lâche-lui, Alex, calvaire. Dans la dernière série de games, c'est vraiment pas le pire, en tout cas. Mais non. Non, quand même. Ah, mais c'est pas dur. Il joue mieux que Subban, calvaire. Ouais. Il joue ouais, Subban, c'est ça, c'est pas dur à battre en ce moment. Oui. C'est le power play. Comment? C'est le power play. Ah, il joue mieux que Subban partout. Gilbert? J'exagère. Non, mais. Ok. Je comprenais pas ta joke. J'ai comme eu un moment awkward. Ouais, cabotinage. Je savais que ça serait long comme podcast, puis on était à la fin des plus et des moins, puis on n'a même pas fait tous les matchs de résumé. Fait qu'on va faire ça en deuxième. As-tu fait ton moins, toi? Non, je vais faire mes moins, en fait. Moi, avec moins à piquer Subban pour tout ce qui a été déjà mentionné. Je vais donner aussi un moins à l'attaque à 5. Ce serait le fun de compter des buts en début de game. Puis de... Ben là, hier, ça a bien été. Ben oui, mais oh, à part la game d'hier, le mettons. Le sauveur là. Est arrivé à Montréal. Ouais, le sauveur commence pas. Embarque pas là-dedans. Il l'a dit, Bergevin, que c'était pas le sauveur, lui-là. Il y a du ça. Il y a du ça. Non, mais il donne une belle profondeur, pareil. Oh, oui, ça améliore l'équipe, là, mais on va pas. Ben, ça l'améliore. Je veux dire, gars, c'est peut-être juste une patch à court terme et tout. Là, des fois. Il sera plus là l'année prochaine, Gunter. Non, c'est là, ça, mais, c'est mais... ça. Mais je veux dire, ça peut durer 10 games. Là, après ça, on le verra plus. Là. Là, souvent, les joueurs, quand ils se font trader au début, là, ils pongent comme un genre de hype. Là, puis après ça. Puis je vais donner un. C'est un bon défenseur fiable. Je vais donner aussi un. Il est calme et tout, quand même. Il est calme. C'est fou avec la rondelle, il calme le jeu. Il a l'expérience d'un vieux. C'est comme un sage. Bon patineur, tu le voyais, genre. Hier, je checkais ça quand il jouait sur le power play. Contrôle bien la ronde. Ben, grâce à sa ligne bleue, là, souvent, tu vois les bons defs, ceux-là qui sont capables de se déplacer de côté sa ligne bleue avec le patin. Là, vraiment là, comme des croisés de côté pour se démarquer, bouger. Lui, il était comme... Il est solide. Là, je veux dire, c'est quand même un bon patineur, ce gars-là. Sur le power play, où il n'y a pas besoin de skater tant que ça en fou, Chris, il bouge bien le puck, puis les passes sont sur le tape. Puis c'était un peu un passeur comme Markov, je trouve. Ouais. Un russe. C'est un joueur intelligent, là. C'est, il fait ça plus à rondelle, cadre. Genre d'architecte, là. Oh, ouais, quand même, il y a une bonne garnotte. Fait. Puis je vais donner un dernier mot à Général au Canadien. Général Tao. Général Tao pour l'indiscipline du Canadien. Ouais. On peut-tu arrêter de pogner 80 pénalités par match, là? C'est ça qui coule le Canadien souvent. Ça a été l'enfer. Des pénalités de paresse. Ah, il y a eu des matchs, là, me semble, dans les dernières semaines que c'était épouvantable. Il y avait comme 10 pénalités par game. Qu'est-ce que c'est ça, là? Calmez-vous. Pourquoi? Je sortirai à strap. Ouais, ben il l'a sorti à strap, là, en crissant le Bourque, puis l'autre, là, en envoyant, là, en se débarrassant de ça, là. Ça, c'est une forme de strap pareil, là. Ouais. Ça envoie un message. Ouais. Exactement, mon Martin. Voilà. On aime ça, les messages. Faut que ça passe, c'est message des minots. On aime ça. On run pas un boys club ici. Ouais, là, astille, là, c'est pas le cirque du soleil. Là. On est pas là pour jongler avec des quilles. Le cirque du soleil. Fait qu'on va aller faire une première entracte, se prendre un petit refil de bière et puis on va revenir. Un changement d'huile et on va revenir pour la deuxième période. On va parler du résumé des matchs de dernière semaine. On est de retour pour la deuxième période. Alors, c'est là qu'on va faire le résumé des matchs qui se sont passés entre les deux premiers podcasts, c'est-à-dire entre le 1er novembre et le 14 novembre. Voilà. Alors, premier match, c'est le match numéro 13 contre les Flames. Une cuisante... Quand tu parles de ces matchs-là, tu te débouches tout le temps de bière. Ouais, ouais, faut tout le temps en parler. Surtout quand tu commences avec une défaite cuisante de 6-2 contre les Flames et Bob Hartley. Ouais, c'était pas super, ce game-là. On parle de la game contre les Flames, là, qu'on a perdu genre 5 à... 6 à 2, comme je viens de dire, ouais. T'as fait deux fois. Là. C'est une game plate, ça. Je t'écoutais pas, je buvais ma bière. Il y a une affaire, je sais pas si vous avez écouté l'émission de Dave Morissette, là, je pense, le gros en direct, en whatever. Le gros en direct. Théodore, le gros cave en direct. Je pense que ça s'appelle Dave Morissette en direct. Ok, pire, ben je connais le réalisateur, puis c'est un petit trou de cul, la vallée. Il y a des call-outs sur le show. Il règle que c'est con sur le show. Je sais que tu nous écoutes, Alguero. Théodore, il a bâché sur Price. Hein? Théodore, il est dégueulasse. L'avez-vous entendu? Non. Non, mais Théodore, là, chaque fois que je l'ai vu, là, on dirait qu'il cherche sur quoi bâcher sur le Canadien. Là. Ouais. Tout, quasiment tout le temps. Là. Théodore, c'est lui qui a fourré Paris Hilton, ça? Ouais, il dirait ça. Ouais, okay, aussi, okay, Paris ou son chihuahua, si on le saura. Les deux, ben, en tout cas, je pense que Tremblay s'est fourré, c'est lui qui prend de la coke. En tout cas, Théodore, il avait déclaré... Ah, ça oui. On en règle des comptes, ici, dans la soirée du podcast. Tremblay. Tremblay. Théodore, il a dit que Price, il dit un goaler qui n'a pas une moyenne de 2 buts alloués par match, puis une moyenne d'arrêt d'efficacité de, au-dessus de 930, c'est pas un goaler dominant. Mais écoute-moi bien, Théodore, toi dans le temps, là, ça c'est Danny Dubé qui me l'a rappelé, là, quand tu gagnais, je sais pas, je regarde là, est-ce que je m'en il regarde pas le podcast, c'est ça. On sait pas. Théodore, là, regarde-nous, là, tu vas manger la caméra. Il nous regarde pas, fait, t'as pas besoin de regarder la caméra, mais il nous écoute, par exemple. Ben, dans le temps que Théodore faisait vraiment dur, là, il disait, oh, ce qui compte, c'est la victoire. Mais Théodore, mange de la menthe, tes pantalons sont laits à TV, esti. Il ressemble à Alfred dans Fresh Prince of Bel-Air. T'as joué dans les boys, Théodore. Théodore, en plus, c'est le gars. Les pantalons sont lettres à télé. Je les ai vus l'autre fois en vrai. Il était bien beau, là, mais à télé, tabarnak, ils sont lettres, man. Lui, son jersey devait être super gros, usé, ses épaules. Là, il se faisait tant shooter des top corners en haut des épaules. T'étais tant comme à genoux, trop vite à terre. Il y a une crise de Bon Jovi qui était sortie dans le temps. Là, Théodore, il a essayé de se suicider. Il s'est pitché devant le métro, mais il a passé entre les jambes. Bon, ben dans cette défaite-là, des Flames contre les Flames, 6-2. Lui, c'est pas un ballon de plage, man. C'est un métro. Dans ce game-là, Markov a atteint un plateau. Il a rejoint Doug Harvey. Ah ben, mon doux, toi. Wow, au quatrième rang, c'est quoi? Il a rejoint avec sa mention d'aide sur le but de Heller. Il est rendu au troisième rang dans l'histoire du Canadien au chapitre des points. Le général, Markov. Des points pour un défense ou en général? En général, je pense. Non, non, pour un défenseur. Pour un défenseur, je pense qu'il manquait peut-être une petite information. Il est à quelques points de la deuxième position. Ah ouais? C'est qui? Robinson, il doit être dedans. Mais Robinson, non, je pense que ben non, parce que Robin. Mais Sam, ben je non, pense mais, que Robinson, mais Sam, c'est Guy Lapointe. Je pense que c'est Guy Lapointe. Que, ouais, c'est Lapointe deuxième. Robinson. Je pense que c'est genre Lapointe qui est deuxième. Puis Markov est sur le bord. Je pense qu'on le sait pas trop finalement. C'est des stats à la soirée du podcast. Sortez-les au moins juste qu'on dise. Dave, pendant que tu cherches les stats, on va écouter Terrien qui nous explique un peu sa défaite. Puis écoutez, à la fin, il y a un petit extrait en anglais. Il y a un journaliste qui demande est-ce qu'il y a quelque chose de positif à tirer de cette rencontre. Fait que, écoutez ça. Je pense que c'est un match difficile pour notre équipe, pour beaucoup de joueurs. Puis, c'est dur à accepter. Hein? Michel, is there anything positive at all that the coaching staff takes from that tonight? Non. T'es assez direct, hein? Y a-t-il quoi de positif à garder sur cette match-là? Non. Ton extra audio, t'es pas très fort, Dieu. Non, mais monte ton volume parce qu'il était fort dans mes oreilles. Ah. Dans le mien non plus, t'as pas fort. Non, mais moi non plus, t'as pas fort. Ben, Chris, montez vos volumes d'abord, les gars. Ben là, c'est parce que tu t'allais juste plugger. Non, mais il y a aussi qu'il y a des extraits qui sont en mono, fait que ça se peut que ça sorte moins fort. Ah, c'est ça. Mais nous autres, le show est en stéréo. Ben oui, on est en 5.1 ici dans la soirée du podcast. Ça, t'es en CBC, pas en Sibérie. Puis écoutez, vu qu'on a joué contre les Flames, ben Bob Hartley était là, puis Bob Hartley toujours succulent en entrevue. Il y a un journaliste qui a demandé, parce qu'il n'y a pas de numéro 1 goaler vraiment à Calgary présentement, puis il a dit ça fait 3 matchs que tu mets Jonas Hiller en game, est-ce que c'est rendu son numéro 1? Voici la réponse savoureuse de Bob Hartley. Non, il n'y a pas de numéro 1, non. Ça, vous autres, c'est à Montréal, là, vous êtes fameux là, pour là, faire des vagues de 20 pieds dans des barboteuses. Là, c'est pas parce qu'il garde les filets 3 matchs en 1. Et on a deux gardiens de but qui ont le potentiel d'être étiquetés numéro 1. Fait que je ne ferai jamais la gaffe de courir en haut de l'Aratoire Saint-Joseph puis mentionner qu'un et puis dans 2-3 matchs, ça va être l'inverse parce que je pense que l'inverse peut se produire aussi. Donc, tu sais, c'est un heureux problème pour nous autres ici de compter sur deux bons gardiens de but. Nice. Des vagues de 20 pieds d'une barboteuse. C'est carré, ça. C'est vraiment juste Hartley pour sortir des affaires la même. 3 games en 1. 3 games en 1. J'en comprends pas. Fait que, OK, ben match numéro 14 après ça, contre les Sabres, on a gagné 2-1 en tir de barrage de ce match-là. C'est le match que Bourque a été benché et on a eu le retour de ses catchs. Et puis, justement, on écoute Terrien qui parle du retour de ses catchs. Il a bien fait ça. Il a amené beaucoup de rapidité. Lui et Lars ont provoqué quelques occasions de marquer. Il a joué quand même. J'ai aimé son match. Bon, il a aimé son match. En respirant fort de la gorge, là. Dans cette game-là, c'est là qu'on a gagné grâce à un but de Parento. Encore? Encore une fois, ouais. En tir de barrage. Ouais. Il est fort en tir de barrage, Parento. Ben, on a un vrai à ça cette année. Ouais, enfin. Ouais. Il y a la cote, là. Ouais. C'est assez solide. Il a été d'ailleurs... On aime ça l'envoyer en tir de barrage. Là, il va peut-être mettre des Louises au prochain. Des Louises? Why not? Hein? Beau, ouais, Chris, si ça beau, marche. Un beau shot dans le 5-hole, toi, est-ce ouais. En tir ouais. De pénalité. Ouais, mais Zadberg a été pourri, là, tu sais. Pas un gros goaler, ça. Ouais, imagine si ça avait été Théodore. Il aurait laissé passer le métro. Bon, ah, Théodore, moi, j'aurais visité le top corner. Moi, j'aurais visité le top net. Moi, j'aurais jeté dans la face. Très mal casse. C'est dans cette game-là qu'on a perdu Bournival aussi. Blessure à la clavicule, absent pour de 3 à 4 semaines, qu'ils disent présentement. Je ne sais pas s'il y a eu un update sur la situation de Bournival. Mais... Il a été avec le thérapeute un matin, puis ça va bien son établissement. Ben, c'était entraîné, ouais, avec l'équipe, avec le full. Quand il s'est sérieusement, avec le line-up qu'on a là, avec les changements qu'il y a eu tout ça, Bournival, on s'en ennuie comme pas pareil. Là. Non, mais il peut être quand même utile. Ouais, c'est ça. Ben, je veux dire, du patin, il est cool, tout ça. Mais et la vitesse, là. On l'a pas vu encore. On l'a pas vu Bournival. Hey, non, mais faut. Mark, on va le dire comme il faut le dire. Ben, c'est de la profondeur. Non, c'est cool. Ça. C'est cool. On en a en assiette assiettes présentement. On a beaucoup d'assiettes. Comme dirait Bob Hartley, là, c'est un beau problème. C'est un beau problème. Mais de toute façon, rendu là, il faut dire aussi qu'on était chanceux jusqu'à présent que le Canadien, il n'y a pas eu de blessure vraiment cette année. Là, à part Beauval, justement. Je toucherais tellement du bois s'il y en avait. Il y en a à terre, si tu veux, Marc, c'est du genre de bois. Là, ta chaise est en bois. Ta chaise est en bois, ouais. T'es assis sur du bois. C'est grave. Si, je toucherais de la rip pressée. Ok. Je sais pas si vous avez écouté ce match-là aussi. Il y a Terrien au début qui s'était signé avec les arbitres par rapport à la liste des joueurs des Sabres. Ouais, à Buffalo, ouais. Puis ouais. C'est comme rien passé finalement. Ben non. Ouais, c'était quoi ça? Je sais pas. Ils ont pas gagné du temps, là, sûrement, là, juste pour. Ouais, pour je pense que c'est très ça. Là, y avait-tu un dégagement refusé, quelque chose de même? Ça devait être une affaire de même. De quoi ça? Il y avait dégagement refusé, puis là, Terrien s'est obstiné avec les coachs, puis. Il s'est obstiné contre. Avec les arbitres. Avec la. L'alignement était pas avec l'alignement, ouais. Il disait qu'il y avait des joueurs qui n'avaient pas rapport, là. C'était pas ça pendant tout. C'était genre le papier calque là, qui avait mal. Bon. Whatever. Puis, OK, puis dernière affaire. Là, c'est mon extrait préféré ever, je pense, de Terrien. C'est Terrien qui parle du retrait de René Bourque. Êtes-vous correct avec vos écouteurs, vous autres? Ouais, ça va. Ouais. Je sais pas, là, il essaie de trouver une deuxième carrière, lui-là, là, dans le monteur sonore. Faites attention parce qu'il y en a un qui fait le ballon et l'autre fait l'input en tant que tel. Ah, c'est le ballon. Bon. Je vous le dis à chaque chose, je pense ça. Fait que, mettons, toi, t'es le ballon, moi, je suis l'input. Tu m'as le baissé pour vrai, là. Ben oui, j'ai gagné le titre, là. Attendez donc, je vais régler ça pendant ce temps-là. Bla, bla, bla, bla. Mais tu viens de nous fucker solide, là. René Bourque. On dirait, que toi, JF, là, si t'es pas là un moment donné, là, le show, il... C'est vrai que si je suis pas là, le show existe pas non plus. C'est de la merde. Nous autres, on est comme d'une chaloupe à moitié pleine d'eau, pis t'es le seul qui a une louche, là. Le okay, pire, ben, c'est que c'est pas toi qui parle le plus, mais si t'es pas là pour l'idée le show, on est fait, là. Alors, c'est ça, il y a un journaliste après le match qui a posé une question intérieure par rapport à Bourque, qu'est-ce qui se passait avec lui. Mm-hmm. Puis écoutez... Le ton et l'intonation de Terrien, c'est savoureux. Dans le cas de René, surtout après les séries éliminatoires qu'il nous a données, on vivait beaucoup d'espoir. On espérait que les choses débloquent. Mais bien entendu, on est en mesure de constater que les choses n'ont pas débloqué comme qu'on l'aurait espéré. Donc, dans ce temps-là, il faut prendre des décisions. Moi, je repasse le début. Dans le cas de René... Dans le cas de René... Il est comme le trémolo dans le cas de René. La voix qui shake. On sent un malaise. On sent un malaise. Alors, prochain match. Le match numéro 15 contre le Wild du Minnesota. Une victoire de 4-1. Le retour de Vanek à Montréal. On s'en galise. Puis ça a été le flop. Ben, il a fait une passe. Sur un Vanek, beau but de Bomainville, là, mais à part ça, ça a été... Vanek, c'est Vanek, là. Ouais, Vanek a fait sa petite passe. Puis... C'est gars, c'est ça, là. Il devait être bien content, soir. Là. Il avait mis de l'argent sur le tableau, puis finalement, ben, il l'a perdu. Ouais, mais lui, revenir à Montréal, aucune émotion, là. Il s'est toujours collé de Montréal. Lui. Ouais, c'est il ça. Il est ça, arrivé ici, il est débarqué de l'avion, puis c'est comme, bof, écoute, je suis là. Il me semble que je suis déjà venu ici. Avez-vous écouté l'entraque? Je pense que c'est l'avant-match, ils ont interviewé Vanek, puis il parlait de sa séquence à Montréal, puis il disait, ouais, je l'ai pas accepté qu'ils m'ont mis ce quatrième ligne, c'est inacceptable, si, ça, ça. Puis dans le fond, il a bâché sur Terrien. Mais qui mange la merde! Mais c'est parce que. Si, il joue avec le cordon du cœur, il traîne dans la merde. Et voilà. Mais beaucoup de talent, tout ça. C'est un lui, Vanek, c'est un Autrichien, ça. Ouais. T'es un imbécile. C'est ça. Non, mais avoir Vanek, quand Bergevin est allé le chercher, c'était cool parce que, je veux dire, tu sais, Vanek, c'est un gars, tu sais, c'est une bonne assiette quand même. Un power forward, un gros gars, on a besoin. C'est un gars qui est capable de te mettre, ben plus qu'un power forward, tu sais, il a un bon gabarit, mais des hosties de main. En plus, il a scoré des buts quand même avec Montréal qui était quand même digne des buts de Vanek, là. Mais Vanek, c'est tout ce qui va avec, c'est tout ce qui l'englobe, c'est comme, non, j'en veux pas, là. Non, moi, je me veux qu'il y ait des couilles à Montréal. Il n'y a personne. Ouais, c'est ça. Ça prend des hosties de balls, là. Pas Phil Kessel qui a juste une balle. On veut pas des unicouilles. Dans cette game-là, C4, un but, une passe, première étoile de la partie. Oui, bravo pour ça. Déjà, dans son deuxième match, c'est première étoile. Fait que C4 qui force le club à le garder dans l'alignement. Puis c'est très bien comme ça, parce que de toute façon, on se calisse de bas, qu'on en parlera tantôt. Puis j'ai un extrait audio, encore une fois, de Terrien qui parle de la performance de son équipe de cette victoire contre les Wild. Tu respirais fort? Je pense que oui. J'ai beaucoup aimé la manière qu'on s'est comporté ce soir. Surtout à partir de la deuxième, de la troisième période. Je sentais notre équipe en contrôle. On était agressif sur le porteur du 10, on jouait serré. Et le fait de jouer serré, ça nous a procuré des chances de marquer. Donc, c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer contre. Tu as regardé en moyenne, ils ont à peu près 35 lancés depuis le début de la saison, mais il y en a quand seulement 20. Donc, de réussir à égaliser quasiment le nombre de lancés avec eux ce soir, on a eu plus de chances de marquer. Donc, ça prouve que c'est un bel effort d'équipe. Un bel effort d'équipe. Dans le cas de René... Il va falloir que je le découpe ce son-là, je pense. Ouais. Check. Isole juste ça. Isole juste cette partie. Match numéro 16 contre les Jets. Une belle victoire de 3-0. Jeu blanc de Price. Oui, quel match. Son premier blanc. Ouais, son premier de l'année. Il a fait son premier blanchage en même temps que Alak cette année. Ouais. Alak. Il fallait juste le dire parce que... Ouais, je sais pas si t'as checké les box scores ce soir. Non, je pense que c'est GF qui a retweeté de ouais, quoi cette semaine. C'est depuis l'échange de Alak, ça fait, ils ont fait 3 fois des blanchages en même temps. Hein? Ouais. C'est quoi là? C'est comme... Les as sont alignés. La planète. Je sais plus c'est quel journaliste qui a mis ça. Ben, ça, c'est la comète Philémon. Hein. Ça, c'est en Corée. C'est peut-être Renaud Lavoie qui a sorti ça, ces stats-là. Probablement, oui. Oh, pas Renaud Lavoie... Beaucoup hey, trop d'émotions. J'ai pas de tweet de journaliste cette semaine, mais j'aurais une question. Pourquoi les journalistes québécois tweetent en français puis tweetent en anglais tout de suite après? Parce qu'ils pensent qu'ils ont des auditoires anglophones, mais dans le fond, eux autres s'en calissent. Renault, il expliquait à Mané, j'ai vendu un char puis j'ai posé la question. Tu t'as vendu un char à Renault Lavoie? Oui, un Acadia. Oh! Scoop! J'espère qu'il y a plein de problèmes avec. Non, son char va bien. J'étais un Christ de bon vendeur en passant. Fait que, non, ça fait 3 ans, puis il a décidé de garder son char. Qui qui va s'acheter sur le podcast, là? Alors voilà, ben, c'est non, le malaise. S'il y avait-tu vendu un char, mais un char de merde. Un set de tailleurs d'hiver avec ça? Ou... Pas en tout. Non, j'ai cherché son char en Ontario, esti, puis il y avait une plaque en avant, je l'ai arrangé et tout. J'espère qu'il n'y a pas fait un gros deal d'aller chercher le maximum. Hey, Renaud Lavoie, vous voulez savoir comment je l'ai rencontré, Renaud Lavoie? Il était dans le département de service. Ça, c'était en temps d'RDS. Je m'en vais le voir. J'ai dit, Renaud, toi, t'es la référence du hockey. Je t'écoute à tous les jours. J'ai sacramé. Il est venu me voir et dit, ouais, je veux de l'information sur le Cadia. J'ai pas de trouble. Il dit, ouais, là, il y en a un pareil pendant le Gilles. Fait que dans le fond, j'ai fait un prix, il m'a rappelé, puis on a fait le deal. Ah, ça, c'était dans le temps que... OK, je le regarde, là, puis plus en plus, là, je le vois, là, un peu peddler. Un peu peddler. Ça, c'est le nez dans l'enfer du mal, esti. Ouais. En passant, Manny, c'est un très bon client. Qui? Manny Malotra. Ouais, il fait son service au garage. Il parle en français avec nous autres. Ouais, puis d'ailleurs, il passe l'Halloween avec ses kids, comme on a vu à 24CH, là. Ben, oh. Ah, j'ai manqué ça, c'est-tu. Il y avait Parento qui était en spotlight dans ce show-là, 24CH, cette semaine. On rencontrait sa famille, là, puis sa mère, puis son père qui disait, oh, je comprenais pas comment ça, il était pas drafté, là, puis sa mère qui était une hockey mom, puis des grosses histoires. Pis, on s'en colle, c'est tellement, là. Oh, ouais. Parento continue de scorer en tir de barrage, ils vont être bien contents. C'est ça. Ben, Parento, Chris, on peut pas chier dessus non plus. Là. Non. Ben, sérieusement, on a vraiment le meilleur de l'échange jusqu'à présent parce que. Chris, oui. Ben, hier, oui, je l'avais ça dans. Hier, il veut finir encore ses games au bout du. Around the NHL, mais ça fait 8 matchs, je pense, qu'il est benché. Là, ben, c'est 8 matchs. C'était 7 matchs au début de la semaine. Tu veux dire, genre, qu'il joue genre comme 5 minutes par non, game. Non, il a été benché 7 matchs en donc, ligne. Donc, il n'est même pas de l'alignement. Il est pas de l'alignement. Il est scratché de l'alignement. Healthy scratch. Healthy scratch. Mais ça va pas vraiment pas bien avec l'Avalanche, là. Mais ça, on en reparlera plus tard. Ouch! C'est sûr, ça n'a pas marché avec Roy, le Brière. Hein. C'est clair et net. C'est pas... Là, présentement, pas grand-chose qui marche avec Roy. Non, on en reparlera tantôt. Surtout un des sujet gars de Brière. D'après moi, t'avais défoncé une porte. Hey, d'après moi, des petits VHS, ça coûte bâton. D'après moi, il t'avait de battre la femme à Brière. Hashtag Brière et ses femmes. Les agressions. Hashtag agression non dénoncée. Hashtag Patrick Roy. Hashtag Daniel Brière. Hashtag bench Brière au pire là. Parce ben qu'il oui, est benché, c'est son ouais. Hashtag. Bon ben il reste 3 minutes à la période, fait qu'on va terminer sur le dernier match qui est le match d'hier, le match contre les Bruins, une belle victoire. Oui, de 5-1. Toujours un match excitant game, qu'on anticipe là, vraiment. Ben toujours, là, c'est rare qu'une game contre Boston, ça déçoit, puis hier, ben non, hier t'attends ça, une game c'était contre pas Boston, décevant, c'était une bonne plus, game. Moi, ça m'a fait capoter. Boston, là, ils sont plus dans les belles années. Parce que hier, là, en fait, la veille, ils sont fait éclater 6-1 par oui, Toronto. Là, c'est censé arriver le lendemain à Montréal avec le couteau dans les dents, puis ils se font laver 5-1. Là, il leur manque Jean Krejci, puis il leur manque Jean Chara. C'est sûr, ça joue sur l'équipe pas mal, là. Il y a un tweet de journaliste hier que j'ai lu Puis je voulais savoir ce que vous en pensez. Ça, l'affaire qui joue deux games en deux soirs. Mais Félix Séguin, il a comparé Dougie Hamilton à Rob Blake. Ah non, il est malade, lui, Félix. C'est trop tôt. Peut-être qu'un jour, que Dougie Hamilton va arriver à un stade comme. Mais à date, il n'a pas montré que. Qui c'est qui a dit ça? Il est à ce Félix Séguin, hey, il mérite une claque sa gueule, ce gars-là? Tabarnak! Le gars qui n'a pas de sexe, il n'a pas de pénis. Il m'a bloqué sur Twitter, le petit Chris. Il t'a bloqué? Ouais, parce que j'ai dit, Chris, Félix Séguin, il a l'air d'un gars qui a sauté sa puberté. Il m'a bloqué, tu sais. Séguin. On te call out, est-ce que. Alors, notre émission à la soirée du podcast cette année, se faire bloquer par le plus de journalistes sportifs au Québec. Et si moi, ça va être facile, ça. François Gagnon, t'es le prochain Simonac. Cette semaine, Gagnon, là, ben hier, d'ailleurs, Gagnon, à un moment donné, il a dit. Alex, puis moi, on tweetait, puis à un moment donné, il a dit ah ouais, Gagnon, lâche-moi donc un bon Simonac. Puis tout de suite après, comme même pas une minute après, Gagnon sort un tweet, puis avec le mot Simonac demain, j'ai tagué Alex, puis Gagnon, puis j'ai dit ben tabarnak, il l'a fait, asti. Puis il vous a bloqué les deux. Paf. Non, il ne nous a pas bloqué. Il a même fait répondu. Un entrac à un moment donné, Gagnon, puis il parlait des pires échanges que le Canadien a fait en faisant référence à Gonchar puis Moen, puis il a dit quand on a donné Grabowski, ça, il a fait 5 saisons de 35 points. Mais encore, est-ce que tu as fait 35 points, Chris? Est-ce que Moen, je pense qu'il faisait ça au début avec nous autres, 35 points. Gagnon, là, il est dépassé. Beau, là. Prends ta retraite, ta barre. Ouais, Gagnon, c'est juste comme un hater. Hey, Gagnon, moi, t'as le dire, va te faire blanchir les dents. Je vais y payer. Hey, demain, je donne une brosse à dents si je le vois. Je vais en acheter une en plastique aux gens coutus. Moi, y donner. Moi, il lance. Non, je te dis du white. C'est vrai, c'est TVA. Demain, il n'est pas là, François Gagnon. Non, il va être là, mais. Il ne sera pas là, Chris. Il va faire l'antichambre. Il va être en haut. L'antichambre, mais il va être au resto en face. Ouais, ils font ça live. Ah oui, c'est vrai. On va casser le party de l'antichambre après. On rentre avec nos t-shirts de la soirée du podcast. Let's go. Des antichambres crashers. Hey, dire qu'on va être live demain, esti, en direct de TVA Sport. Checkez-nous bien bêcher dans les marches comme des fans de le Toronto qui se bat. Tu sais, vos mains, là, tu sais, les deux mains, c'est les genoux comme celui de moi. En bas, dans la zone des jardins, où ce que ça coûte trop cher. Où ce que la bouffe est gratis, ouais. Crack de Brianna. Hey, juste pour en revenir, là, vidéo, faut pas faire ça, là. La vidéo qu'on a checkée cette semaine, là, des gars qui. Ah, mais ça, je l'ai, je pense. Toronto contre les Suns. Ça, c'est-tu, man, la débarque, là. Allez voir ça sur notre Facebook. J'ai regardé ça, j'ai eu mal quand je l'ai vu, le gars qui se fait geler dans les marches. J'étais de même, il a yell à moi, terre. Moi, c'est le jump, hey, man. Le jump dessus, là-dessus. C'est fou, red, man. C'est incroyable. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, allez le voir sur notre Facebook, mais c'est des fans de Ottawa puis Toronto qui se pognent dans la foule. Puis il y a quelqu'un qui verse une bière sur quelqu'un d'autre. Puis là, ça défoule. Hey, lui, il a fuck c'est all, là. Le gars qui verse sa bière sur la tête, lui, il fait juste verser ça. Puis c'est... Ah, mais lui, c'est un... Ça, c'est un nasty fucker, man. Hey, j'en ai de Toronto, man. Ouais, c'est ça. Ça déboule dans les marches, ça doit faire tellement mal. Ceux qui sont tout pétés, eux autres, à la fin. Là. C'est une bière à 11$ en plus, là, qui verse. Ah, je sais pas combien au centre de Canada. Cher, ouais. Mais c'est pas au Air Canada, ça. C'était pas à Ottawa. Tout est fuck. Anyway, Ottawa, mais c'est des fans des Canadiens. De toute façon, ils doivent boire de la Molson canadienne. Ouais. Alors voilà. Fait que la période est finie. Alors, pour finir sur le match contre Boston, Dale Louise, on a dit tantôt, Gordie Howe hat trick. Dale Louise, un Gordie Howe hat trick. Là, il y a Mathias Brunet aujourd'hui qui chiale. Ah, la glorification du hater. Ça n'a pas rapport, man. C'est une tradition. La bagarre est là, puis qu'elle soit là ou pas, il l'a fait pareil, le Gordie Howe hat trick. Personne l'a levé à bout de bras. Gordie Howe hat trick, wouhou! D'ailleurs, c'est y pas un mauvais gars, je veux dire. Mathias Brunet, il y a Alex. Elle avait calé Mathias pour y manger le pain. Ben oui, hey, peux-tu manger mon pain, petit brunet, tabarnak? Sérieux, hey, des fois, femme, ta calisse de gueule. Moi, des fois, il met ses nerfs, brunet. Il peut bien faire les. Non, en tout cas. Ah, brunet, genre, c'est une vierge offensive. Ben oui, tabarnak. Comme Félix Séguin. Mais cette année. Ok, non, lui, check bien ça. Il n'y a pas de pénis. Non, mais check bien ça. Cette année. Ils se font des scissors de pas de pénis, là, tu sais. Scissors de lesbienne. C'est deux cannes qui se font. Non, mais j'ai lu une stats que cette année, il y a eu 8 Gordie Howe hat trick. Ah ouais? Il y en a eu 8 à la date depuis le début de la saison. Puis Tarasenko en a un. Ah ouais? Puis l'année passée, dans toute la saison, il y en a eu 11. Puis cette année, il y en a déjà. Calvaire, ça brasse cette année. Hey, fait que. Ça a l'air que Gordie Howe, là, c'est, je pense que c'est justement Brunet qui disait ça. Il y a genre des Gordie Howe hat trick. Il y en a fait genre 2 dans sa carrière. Ouais, il y en a juste 2, ouais. C'est vrai. C'est c'est comme le Gordie Howe hat-trick. Mais tu sais, en même temps, c'est une façon, hey, façon de parler. J'ai vu la photo. Glorification. Avez-vous vu la photo de Gordie Howe qui est comme... T'en as parlé l'autre fois, là, ça, je pense. Ah ouais, okay, il est trop shapé, là. Avec les shapés, là, comme un malade. Ça n'a pas de crise d'allure, là. Il y a de l'air genre d'Arnold Schwarzenegger. C'est ça, là, je l'avais déjà compté. Fuck it, on oublie mais ça. Mais c'est en début, t'étais tôt sur un high de sucre dans le dernier podcast. Tu mangeais trop de bonbons, là. C'est toi pis tes Rockettes. Ouais, man, j'ai passé out, man, c'est Rockettes. Ah, les Rockettes, pour rendre hommage à Maurice Richard, là, on se bourre de Rockettes quand c'est l'Halloween, là. Alors, check, ça, c'est dit. Ouais, mais je pense que Gardiard, par exemple, il a déjà déménagé, par exemple. Ah, je pense pas qu'il a déménagé pis il a fait 8 points dans une game. Un Gardiard, dans sa vie, il a jamais déménagé. Il a toujours habité à la même place. Il restait encore chez sa main. Fait que dans la game contre les Bruins, c'est catch, encore une fois, un but, une passe. Il a parti le power play. Voilà. C'est catch, là, je regardais patiner, par exemple, comment il rentrait dans la zone. Là. Des fois, là, le check qu'il y a eu contre Lucic, c'est quelque chose qui est comme prévisible qu'il allait arriver parce que je le regardais rentrer à ligne bleue. Là. Puis tu sais, il rentre avec une feinte. Puis un joueur qui rentre avec une feinte, des fois, il regarde comme la puck, il regarde pas dans les airs. Je me disais, man, il va se placer. Il est jeune, mais pareil. Astique, il s'est fait connecter solide. C'est ça, il a appris cette fois-là. Faut faire attention. J'espère qu'il a appris parce qu'à un moment donné, ça pourrait devenir mais, plus grave. Mais ça, au moins, il est bien frémé. Mais au moins, quand c'est même, ça, là, il est solide. Fait que tu sais, peut-être que justement, une coupe de check de même, puis ça va juste le placer sur le doigt. Il va catcher. Mais moi, ce gars-là, il va se catcher. Moi, c'est un peu sérieusement. T'as pas un peu, là? Par sa shape, tu sais, me fait penser à Vanek un peu. Dans le style qu'il a, les mains qu'il a, moi, il me fait un peu penser à Vanek. Puis je trouve que c'est comme. Ben, en tout cas, les premières games qu'on a vu au début de la saison, je trouvais que c'est le genre de gars qui a peut-être aurait pu sauver comme peut-être la perte de Vanek ou whatever. Oui. Puis là, on va peut-être l'avoir. Ouais. Puis des Louis. Moi, je dis que c'est cash, je vais sauver la saison. C'est pas au point de point que Vanek. C'est cash, c'est sauveur. Ouais, 20 piastres qui sauvent la saison du Canadien. Dernière affaire, les Bruins qui ont commencé à jouer cochon hier en fin de game là, parce qu'ils perdaient. Là. Ils ont ramassé Gilbert la face dans la bande comme un petit sauvage. Là. Mais ça, c'est gagné. T'sais, imagine, gagné. Imagine le gars, il avait une commotion gagné mourir. Qu'il avait été dans la position de Gilbert. Il serait mort. Sa carrière était finie. Là, il serait mort. Ah, mais qu'est-ce non. Tu fais là, gagné. Il a juste. Il l'a entouré. Il l'a pas gelé. Non, là, il l'a poussé. Il l'a poussé. Puis genre. Gilbert était en mauvaise position. Je suis d'accord, mais. C'était pas si cochon. C'était un 2, mais. C'était pas dirt. Gagné, de toute façon. Gagné se fait geler de même dans la bande, il l'amène pas en civière, il amène le cercueil direct sur la glace puis il sort. Ah oh, ouais, man. Mais voilà. De toute façon, Boston, c'est le style de game. Quand ils perdent de même, il faut que tu t'attendes à. Ah ouais. N'importe quel game finit 5 à 1, il faut que tu t'attendes que ça joue. Surtout, spécialement Boston. Mais sérieusement, ils ont pas leurs assiettes, eux autres. Non, pas encore. Là, sont... Parce que là, ils sont pas dans leurs assiettes. Ils ont plus les badass qu'il y avait puis tout ça. C'est plus les Big Bad Bruins présentement. Non, sérieusement, c'est une équipe transformée. Fait que la deuxième période est finie, on va aller faire une entrée, puis on va aller revenir pour la troisième. Libre. On va parler de Bourque, on va parler de l'échange Moen-Gonchar. Pour ceux, par exemple, qui sont sur Twitter et qui aiment tweeter pendant les games du Canadien, allez sur notre Twitter, @soirée du podcast. Il y a une liste qui s'appelle, je pense, membres du podcast. Il y a Dave, il y a Alex, il y a moi de temps en temps. Jeff, tu tweets aussi pas mal pendant les games. Fait que si vous voulez interagir avec nous, ce serait bien le fun. Là. On est assez actifs là-dessus. On aime tweeter. J'aime tweeter. J'aime tweeter. Ouais. Du pain perdu, c'est délicieux. C'est Alors, bien. On fait une entrée et on vous vient pour la troisième période. On est de retour pour la troisième période. C'est fou. C'est un buzzer old school. Là. C'est comme des gymnases. Fait que là, on est rendu au moment que vous attendiez tous. On va parler... du Beaumont qui est parti, on va parler de Bourque qui est rendu à Hamilton. Ouais, moi aussi. Ouais, alors, Bourque qui a été mis au balotage et que personne n'a réclamé et qui est rendu à Hamilton et qui se fait refuser des buts et qui compte pas. Le Beaumont est parti. Hey, aujourd'hui, sur l'heure du dîner, on est allé manger à la cage. Je pense que le Canadien va compter 5 deux ailes. Des fins connaisseurs. Ben, c'est leurs opinions, Dave. Là, faut que tu respectes, mais Chris, on cave. Ben, c'est bon, calme-toi. Là. Fait que pour partir la discussion. Un steak avec du lait. Fait qu'on va splitter la période en deux. On parlait de Bourque, après ça, on parlait de l'échange Moen avec Gonchar. Mais je propose qu'on écoute les commentaires de Bergevin pour partir la discussion sur Bourque. Basé sur l'an dernier, qui a eu une saison régulière très, très difficile, mais des séries éliminatoires je ne dirais pas extraordinaire, mais parmi nos meilleurs joueurs offensifs. Alors moi, en évaluant l'équipe cet été, j'ai décidé de... J'espérais que la confiance qu'il a gagnée durant les séries se... l'amènerait au début de saison, puis avoir un bon début, puis donner de l'allant sur son jeu. Mais non. C'est pas arrivé. Alors, personnellement, moi, j'étais pas prêt à attendre en autre 6 mois avant qu'il revienne le René des séries. Alors, j'ai pris une décision de le mettre au ballottage, puis il n'a pas été réclamé. Alors, ma deuxième décision, c'est de l'envoyer à Hamilton. Et encore là, moi, je crois que René, à son meilleur, est capable d'aider une équipe de la Ligue nationale. Ben oui. Comme il l'a fait dans les séries avec nous. Fait que la porte n'est pas fermée pour René, mais ma conversation avec lui, c'est de retrouver sa constance, sa confiance, puis de bien performer à Hamilton, puis après ça, me forcer à prendre une décision de le ramener à Montréal, si nécessaire. Malheureusement, je pense pas que ça va arriver. Sérieusement, là, de bien performer à Hamilton quand tu es un joueur de la Ligue nationale. Il y a quoi, il y a 32 ans en plus, lui-là? Là, il... Chris, ouais. Hein, il te reste du bois là, encore. Là. T'es pas mort là, à 32 ans, mais c'est comme. T'es obligé de retourner à Hamilton. Ouais, c'est quoi le problème selon vous de bourse? C'est comme à 32 ans. La coke. La coke. Ah, c'est rough en hostie. Mais il a l'air d'un coquet, le pain. Tu regardes un teint pâle, hostie, les yeux noirs, man. Ben, moi, René Bourque, là, j'ai fait un rêve cette semaine, là, puis il me faisait penser à un gars au primaire, hostie, qui s'appelait Négé, puis qui sentait le chien. Non, mais honnêtement, René Bourque, je pense que le problème, là, c'est dans... Non, mais son problème, c'est dans la tête, hostie. C'est... Moi, carrément, il là, il... mêlé, le tabarnak. Il fait même pas de mise... C'est ça, mais il fait même pas de mise en échec. Il calisse rien. Terrien, il a donné, je pense, 1 million de chances. Sacrement à Chris. Non, sérieux, là. Sacrement de Chris. Il l'a dit. Si, sacrément. S'il performe pas avec les Bulldogs, oublie tes chances d'en venir dans la ligue. Ah, oh, ouais. Non, non, c'est fini. Mais je souhaite qu'il performe. Parce que comme ça, Bergevin peut appeler les autres clubs et le compter de la bullshit pour l'échanger à date limite. Contacte ouais, Détroit puis donne-leur de la bullshit. Rien, un sweat chez Tamron, je m'en calisse, mais c'est le salaire qu'il faut qu'on se débarrasse. C'est 3,3 millions, sa masse salariale. Ouais, mais là, ils vont racheter le contrat au pire. Là. Ben, s'ils rachètent le contrat, c'est 1,6 sa masse salariale d'argent qui dort, puis l'autre année d'après, c'est 800 000. T'sais, c'est correct, mais j'aimerais ça qu'on se débarrasse de tout tant qu'à faire. Je pense ben, que. Écoute, hey, sérieusement, c'est la dernière solution. Ben là, l'ARAC est encore sa masse salariale. Non, l'ARAC, c'est fini. L'ARAC, là. OK, mais lui, il apparaît plus comme zéro. Non, c'est fini. Ça fait une couple d'années. Mais il paye encore, là. Non, c'est fini, ça. Ah, ouais? Ben oui. Depuis cette année. Non, mais il me semble, il est encore sur le payroll du Canadien. Non, ça fait. Je te dirais, le dernier lockout qui est fini, là, c'était terminé pour l'ARAC. Ah, OK, je pensais qu'il était encore sur le payroll. C'est pour ça que j'avais vu sur. Ouais, mais ça, ça valait zéro, Cabernet. Dans le fond. C'est. T'avais le droit de racheter ces gars-là. Parce que dans le fond, avec la nouvelle convention, tu avais le droit de crisser dehors 2 personnes sans ça fait ta masse salariale. Fait qu'on a mis dehors Gomez, Caberlé. Bourque aurait été le deuxième si on n'aurait pas eu Caberlé, mais l'administration de Gauthier a tellement pris de marde que dans le fond, on n'avait pas le choix. Hey, là. Alors, nomme pas ce nom-là, s'il te plaît, là, Gauthier. Là. Êtes-vous surpris que personne n'a réclamé René Bourque au ballottage? Ben non, là, il y avait des grosses rumeurs que Buffalo, peut-être, dans les bas-fonds, voudrait, mais gars, non, même Buffalo n'a pas voulu. Tu ramasses un bois mort avec un salaire, même, qui vient avec. Ben, c'est ça. La seule raison qu'une équipe aurait voulu réclamer, c'est une équipe qui a besoin d'augmenter sa masse salariale parce qu'ils ont son limite. Sont sa limite en bas, ouais. Mais encore là, les équipes, la saison a commencé. Fait qu'il y a pas vraiment d'équipes qui sont bottom. Ben, un million, il aurait été ramassé. Un million, cinq. Ben, c'est peut-être le genre de deal qui va se faire. Peut-être qu'ils vont demander à Bergevin, mettons, de payer un certain pourcentage du salaire pour l'envoyeur. Comme Gunchar, je pense que... C'est ça, 8% du salaire, dans le fond. Sérieusement, s'il pourrait comme arranger, dans le fond, comme Bourque à être cool avec, parce que, je veux dire, tu sais, quand t'es un joueur de la Ligue nationale, veut pas, ton DG va tout le temps essayer de t'organiser, comme je pense, la meilleure affaire pour toi, tu sais, mais d'après moi, s'ils peuvent réussir à... D'après moi, pour aller chercher Bourque, il faudra qu'on gobe un autre salaire. Son micro. Non, mais tu sais, s'ils peuvent y arranger la meilleure situation pour lui puis le faire jouer dans la Ligue nationale, je suis sûr que c'est ça qu'ils veulent. Pas sûr que Bourque, c'est pas un mauvais gars dans le fond, mais c'est comme, il est vrai. Mais il est perdu. Non, il est perdu, il a besoin d'aide. Mais ça, avant d'aller plus loin sur Bourque, la question a été posée à... Ils viennent de se marier l'été passé. Il en a fait en crise de la coke pendant son mariage, là. Elle est croche. Ouais. Elle est Ouais. Mais la question était posée à Terrien. Est-ce que tu as été surpris que Bourque ne soit pas réclamé au ballotage? Fait que voici la réponse à Terrien. Moi, ouais, je ne veux pas commenter ça. On a donné l'opportunité de voir si c'est de l'autre intérêt. Vous avez vu les autres équipes. Il y a Cléry. Puis il y a Cléry. Ça avec que je disais ça. Attends, tu veux-tu le remettre? Parce que okay, je ne l'ai pas écouté au complet. Moi, ouais, je ne veux pas commenter ça. On a donné l'opportunité de voir s'il y avait d'autres intérêts. Vous avez vu les autres équipes. Il y a Cléry. C'est qui est mal à l'aise, t'as ça a l'air laborieux. C'est qui le cave qui a posé ça? Je sais pas, j'ai pas les ben, c'est une bonne question, moi, je trouve. J'ai pas répondu à ça. Non, mais il s'attendait à quoi comme réponse, le gars qui a posé la question? Ouais, mais y a pas le choix. Faut-tu le poser pareil, comme, ben, tu sais. Je sais, sa réponse est comme. Il a clairé. On n'entend pas bien quoi dans le live ou les extraits audio? Ton son à toi? Ouais, moi aussi, je t'entends. Qui mange la merde? Je remonte ton volume, bonjour, je t'ai blasté ça, c'est-tu. Je bon. Te connais pas, Nick, mais je te dis salut. Hey, Nick, m'entends-tu? René Bourg. Ben, il y avait deux autres extraits de Terrien. Pas sûr qu'on est obligé d'écouter, là. Terrien, il parle de sa confiance envers Bourg. Je vais regarder combien de temps qu'il est, cette-là. C'est pas une question de confiance, c'est une question de résultat. Puis, c'est toujours ça, un peu là-dedans, là, dans ce business-là. On donne des opportunités à des gens. Et quand on voit les résultats sont pas là, mais l'organisation, on a pris une décision que, premièrement, de le mettre au balotage, puis après ça, de l'envoyer, s'il clairait, mais de l'envoyer à Hamilton, puis donner cette chance-là de retrouver sa game. Ouais, puis on sait qu'il a clairé. Ben ouais. Terrien et Bergevin ont un point en commun. Ils sont très forts pour commencer des mots, pas les finir, puis dire autre chose que les mots qu'ils sont pas capables de prononcer. C'est solide. Vraiment, là, tout des. Des pros. Des vrais professionnels. Ah ben là, on s'entend que. Ben, style, t'es dans le tapis, Dave. Là. Oh! Tu peux monter le volume de tes. Les autres. Là, on va t'entendre parce que ton micro est un petit peu à off. Mon micro était à off. Il était un petit peu baissé à off. Là. Oh, ben, tabarnak. Merci, Nick Chalifou, de nous l'avoir dit. C'est cool en esti, ça. Bon, moi, on t'entend, il y a beaucoup de micros dans la pièce. Au moins, ça couvre ça. Merci, Nick, de nous avoir fait signe que ton micro n'était pas ouvert. Fait que je parle dans le beurre depuis le début. Non, on t'entend, mais on va t'entendre un petit peu plus fort, là. Je pense. Alors, voilà. Check. Bon, ben, coudonc, hostie, ça aurait été dit. Est-ce que cela fait le tour de Bourque Ben, là, Bourque. Je pense que ouais. Le dernier clip que j'avais, c'était rien, mais il redit dans le fond la même chose que Bergevin qui dit la porte est encore ouverte. S'il performait Hamilton, de nous forcer à le ramener. Mais, c'est de la bullshit. Ça arrivera pas, il fallait qu'il dise de quoi. Positif, j'imagine, pour proposer. C'est jamais. Qui décalisse. Bourque, le Sismac a scoré, je sais pas, moins 35 buts. En 4 matchs. Esti. En 3 ans. Oh là, Esti. 35 buts. Hamilton, là, il est capable de percer tout le monde là-bas. Là. Ouais, mais. Il est capable, mais il est capable de percer tout le monde dans la Ligue nationale aussi. Mais Chris, c'est dans sa tête le problème. Ouais, c'est ça. Mais s'il recommence à une étape plus bas. Non, non, mais gars, j'ai pas de Il va jouer dans la Ligue Calis. Il va jouer dans la Ligue des Timbits, Esti, puis il va retrouver sa confiance. La Ligue des Timbits. Il se carrait même pas là. Non, dans le fond, je m'en fous de ça de même. C'est pas que, ben, d'abord, puis il y a une affaire de bullshit. Fais pas ton catché, là. C'est tout le temps là, comme ça. Tu crises de pinch. Là. C'est ta jeune naissance, Asti. Ouais, c'est vrai que tu poils plus bien en dessous de la lèvre. Hey, man, j'ai jamais catché ça. Il y a deux affaires que j'ai jamais catché. Là. C'est le goatee, genre de plaque à neck, man. Sa coulisse de crème glacée. Ouais, pas capable. Pas capable. Avec deuxième sujet pour la période, on est à la moitié. Je pense que le jeune petit japonais, il est meilleur que lui. Ben oui, ben oui. Finalement, ce qu'on pensait qu'il arriverait jamais s'est produit. Moen est parti et on en a profité pour ramener Gonchar dans le club. Pépé Gonchar, que je pensais même pas qu'il joue encore dans la Ligue nationale. Non, mais Chris, t'as embarqué? Ben là, je sais pas, là, tu nous as cassé. Ok, ben attendez, je vais commencer encore le segment avec Bergevin qui va nous parler de sa décision d'effectuer ce trade-là entre Moen et Gonchar. Moi, je gère une équipe de hockey et aussi une masse salariale. C'est certain que il y a une décision hockey ou une décision financière. Alors, expliquer la transaction. Écoute, on amène ici un vétéran, un joueur de défense qui a beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale. C'est certain que Sergei, c'est pas le joueur qu'il était. Il est rendu à 40 ans. Alors, on sait exactement ce qu'on amène ici à Montréal. Puis, en retour, on donne... écoute, un joueur qui a rendu des très bons services à l'organisation, un gars que pour moi, je considère un gars de caractère. Travis Moan est une bonne personne, un gars qui a toujours été ici, puis il était toujours été business, un vrai pro. Alors, mais encore là, j'ai toujours dit depuis ici à Montréal, des défenseurs, tu n'as jamais assez. Alors, on a eu l'avantage d'amener un gars comme Sergei, puis on a pris cette décision-là. Hey, des défenseurs, tu n'as jamais assez. Imagine une équipe de défenseurs. Juste des défenseurs. Ça a scoré fort en esti. Ben, dans la situation de défenseur. Pour ça, justement, on se souvient-tu de, dans l'ère Gauthier, là, justement, il n'y a pas de profondeur à défense. Ça fait deux fois tous ces morceaux de Gauthier à soi. Là. C'est ça, ça c'est le hat-trick Gauthier qui s'en vient. Dans le temps là, de Gauthier, quand Markov était blessé, là, puis il était cherché Wijnowski, là, mais il y avait d'autres blessés qui se sont rejetés, puis il était cherché Paul Mara. Hein, on s'imagine que Paul Mara. Wow. Avec Bergevin, on n'aura jamais ce problème-là. Puis je pense qu'avec Gonchar, il va nous amener bien plus. Paul Mara, le gars qui avait l'air genre d'un tueur avec une barbe, mais quand tu y enlevais sa barbe, il avait l'air d'un esti de mangeur de balus. Là. Ouais, non, mais ça, sérieusement, inutile, pour vrai, Bergevin, j'en reparle encore, à la fin de la date limite des échanges l'année passée, il a été chercher Vanek. Là, il va chercher Gonchar. Je veux dire, tant qu'à aller chercher comme de la marde, il va chercher comme de la marde, mais avec un ruban autour. Là, tu sais, une marde bien emballée. C'est ça quand même. Mais je veux dire, Chris, je sais quoi te donner à Noël. Avant d'embarquer sur le cas de Gonchar, on va finir sur le cas de Moan. Dans le fond, il y a deux questions qui ont été posées à Bergevin aussi. Ils ont demandé si la masse salariale avait un impact sur ce trade-là. Voici ce que Bergevin a à dire là-dessus. Ouais, toutes les années, d'année en année, tu ne sais jamais où est-ce que la masse s'en va. Alors, habituellement, c'est en juin qu'on a ça. Fait que moi, pour gérer le Canadien de Montréal, du côté business, du côté finance, il faut que je sois conscient de ça. Puis aujourd'hui, c'est une des raisons qu'on a faites. Ça est attaché avec ça aussi. Comme je te dis, à toutes les fois que tu fais une transaction aujourd'hui dans le niveau, dans l'ère du cap salarial, c'est une chose qu'il faut que tu vraiment que tu sois conscient. Puis, écoute, donc, quand je te dis, on ne sait jamais le cap ou ce qui s'en va, alors on se donne un atout dans notre jeu si... comme tu as mentionné, si ça monte ou ça monte pas, je sais pas, mais on est toujours, on se prépare en conséquence. Il y a trop de mots, man. Au moins, il répond aux questions, là, c'est, mais... C'est du vent, là. Il y a trop de paroles inutiles, man. Il n'y a rien qui se dit, on dirait. Là, c'est rien que des virgules. Mais moi, je suis bien content que Moan soit parti. Ouais, puis d'ailleurs, c'est... Depuis le début de l'année, là, ben, depuis deux ans. Hey, sérieusement, là, sérieusement, qui a réussi à passer Moan pour moi. Ben, Moan, honnêtement, là, c'est un exploit. Je pense que ça, s'il y a bien une erreur que Bergevin a faite, ça a été de re-signer Moan. Il en parle de ça, d'ailleurs. Il a donné une raison pour ça. Je lis l'audio de Bergevin qui dit... Ah, mais Moan... Non! Oui! Moan est super jouer? Je vais vous jouer direct là. Ça va expliquer le cas. Là. Alors, voici Bergevin qui s'explique pourquoi il a donné un contrat de 4 ans à Moan quand il est arrivé avec le Canadien. Il va-tu me la fermer, ma gueule? Ben, juste pour te... Je pense que tu es dans l'erreur aussi. C'est un contrat de 4 ans qu'on lui a donné en 2012. C'est moi qui l'avais donné. Alors, comme je disais, quand je suis arrivé ici à Montréal, Travis était un des... seul joueur avec un gabarit à l'époque quand je suis arrivé ici. Aussi, à l'époque, on n'avait pas encore mis la main sur Brandon Pross. Alors, quand un joueur tombe sur le marché agent libre le 1er juillet, tu ne sais jamais si tu vas l'avoir ou pas. Alors, à l'époque, on a pris, moi en particulier, en étant DG, la décision de garder Travis pour les services qu'il avait rendus à l'équipe l'année avant que je sois ici. Je crois qu'il y avait eu 9 buts en 40 parties. Je sais qu'il y a eu une commotion à la fin de l'année. Puis il avait très bien fait à Montréal, alors j'ai pris cette édition-là. Puis éventuellement, Brandon a pris plus de ses minutes. Puis le rôle a diminué pour Travis. Mais encore là, il nous a donné, moi, depuis que je suis arrivé ici, il a donné 2 bonnes années au Canadien de Montréal. Et la décision a été prise aujourd'hui. Mais encore là, j'ai rien que du respect pour Travis Moan. D'après moi, Moan, il y a Travis Moan. D'après moi, Bergevin, il y a un petit rhume où il y a de la farine sur le bord du nez. La moustache lui pique. Tu vois, c'est pas les joueurs de CH qui font de la poudre, c'est la direction. Mais oui. C'est Gauthier. Mais il a le temps d'être un peu enrhumé quand il parle. Puis là, je l'ai. Son micro sent bon. Fait que parlons un peu de celui qui est arrivé avec le Canadien, Gonchar. C'est moins beau. Papy Gonchar, 40 ans, qui se joint à la brigade défensive du CH. Ben content, moi. Ben, regarde, ça solidifie quelque chose, je pense. Je suis bien content. Je préfère ça que quand ils vont chercher un gars genre comme Weaver ou Drew Whisky. Ah, tabarnak. Mais je veux dire, il est quand même 6 millions. Weaver, l'année passée, en fin de saison, il nous a donné du crisse de bon. Je sais, Dave, mais quand que ça arrive... Ouais, ça, c'était bon. Dis bon, OK. Là, présentement, je pense encore que Weaver, avec les jeunes... Il nous donne une chose, puis c'est de la profondeur, parce que je pense qu'il est quand même capable de jouer, même si cette année, à date, il n'a pas démontré grand-chose. Hey, il donne Weaver, des bonnes minutes en désavantage. Il donne, lui, il donne du bon stock, quand même. Hein? Non, c'est son numéro, c'est 43. Non, il a genre 30 que Weaver. Weaver, je pense qu'il en a 38. Il est fin 30 ans, il est pas loin de 40. Ah non, il est sur le bord de la retraite, ce gars-là. Oui. Oh oui, ça achève en ça, je peux te le sortir assez rapide. Là. Ben, sors-les, mais il est fin. Mais Gunshar, vraiment. Je sais pas si c'est pas 40 ans. Gunshar est là juste 36. Pour. Gunshar est là pour l'année, puis je pense pas sûr qu'il va revenir l'année prochaine. Là. Ouais, puis c'est un bon mot pour le power play. Puis ce que j'aime, avec Terrien, ce qu'il a préparé, c'est que là, il a mis Markov avec Gunshar, fait que c'est deux gauchers ensemble. Ouais. Sur l'autre vague, c'est deux droitiers ensemble. Ouais. Ça vaut la peine de l'essayer. Ouais, là, Subban a été rétrogradé au deuxième vague d'avantage numérique, ce qui est très correct parce qu'il faisait fuck all présentement à Subban sur le premier avantage. Et... Ben, Subban, il se cherche, là, sérieusement. Là. Mais Subban, sa lacune en plus de ça. Mais le power play au complet. Là, l'année passée, tu avais un assistant coach qui était Gérard Galland qui runnait comme le power play. Puis ce gars-là, il est plus là cette année. Ça paraît. Là, c'est Dan Lacroix. Ben, là, c'est Dan Lacroix. Ouais, là, il y a comme une transition, job, le gars. Là. Ça, c'est un peu comme quand Price a changé de coach des gardiens de but. Ouais, ouais, ouais. Il y a quand même eu une transition en son jeu quand ils ont changé de coach. Ça a été assez rapide. Ça a été assez rapide, mais je veux dire, on peut tout mettre ça là-dessus. T'sais, on n'est pas dans le secret des dieux, on le sait pas. On peut tout mettre ça là-dessus. Mais non, mais tu sais, je veux dire, tu peux avoir un coach dans une position comme justement Lacroix qui est spécialiste de l'avantage numérique qui fait pas la même job qu'un autre. Là. Je veux dire, Galland, il avait un certain talent, je pense, là-dedans, là, quand même. Oui, mais il paraît que Galland avait vraiment comme aussi un impact très positif. Ouais, mais il y a ça et tout. Aussi, là. Il était beaucoup plus proche des joueurs. Puis c'était comme le deuxième violon. Mais Lacroix, je sais pas si vous savez son pédigree, là, mais ce gars-là, il était l'assistant coach à Guy Boucher à Hamilton dans le temps. Fait qu'il connaît les joueurs déjà. Qui c'est donc? Lacroix. Lacroix, ouais. Ben oui. Il a pas changé de team, lui, par. Ben après, entre quand Boucher est parti à Tampa Bay, qui est embauché pour être le spécialiste en vidéo des Rangers de New York quand Alain Vigneault s'est joint à l'équipe. Spécialiste vidéo, c'est lui qui met les VHS dans. Ouais, c'est lui qui monte. Dans les DVD. Moi, ça me fait tellement drôle. En conférence, quand il disait, genre, on va lui montrer la cassette. Alors, je suis sûr que c'est encore une cassette. Les grosses bobines en arrière. Là, sont des NHL Center Ice. On va lui montrer la cassette. C'est le gravitaire, ils m'ont dit. Il sort son VHS, il met ça sur une télé 4-3. J'en parlais comme quand t'allais à l'école, puis t'arrivais, puis il y avait la style de racket. Regardez la vidéo, là. Ouais, ouais, moi, j'en ai sorti dans mon gym. J'en ai sorti cette semaine dans mon gym. C'est... des événements avec les racks. Il y a encore ça, man. Oui, ouais, monsieur. Fou, man. Hey, c'est arcade. Je montre des vidéos là-dessus. T'es au primaire ou mais non, secondaire? Ah, okay. Sur le power play, là, j'ai un commentaire de Guy Boucher cette semaine que j'ai écouté. Ouais. Là, c'était bien intéressant. C'est qu'il disait aujourd'hui, dans le monde du hockey, les power play, là, ça prend un gars devant le net. Le gars qui va devant le net pour nous autres, c'est Brendan Gallagher. Il est 5 pieds 4. Ouais, c'est ça. Il bloque pas la vue du goaler en non étant... ça prend un gars mais tu remarques que toutes les équipes de la Ligue nationale ils mettent pas nécessairement leur meilleur joueur devant le net puis même les Bruins faisaient Chara en avant ben du net les Jets comme c'est lui qui a le plus le, de... le gros Chris de gras là, Bufflin, ouais, Bufflin. Là. Bufflin ça marche le boss. The boss. Le bifuglien là. Mais ça là man, ça c'est va un m'amener... joueur que si je l'aimais jamais. Qu'est-ce que je le prendrais dans mon team comme défenseur? Pas tant que ben, ça m'amène à un sujet que moi, si on a le temps plus tard, on va en parler. Là, mais j'aurais quatre noms de joueurs à ouais, surveiller. On va faire ça en round the NHL tantôt. Là, la il finira jamais à Montréal, ça c'est sûr. Non, ça, mais je veux dire, je prendrais un joueur dans ma de liste. Ce type-là. Pareil. Il n'est pas dans ta ça, liste. Ça, t'as raison. Ça ouais. Parce que, gros. Man, un défenseur. Hey, man, il est. Nous autres à Montréal, là, ce qui nous manque. Moi, ce que j'aime, c'est quand il perd son casque puis que, genre, on dirait que son afro s'expande. On se fait boum! C'est le casque qui pop, man. Ouais, en fait qu'en résumé, on peut dire que Gunshar, bonne acquisition pour le CH cette année. Il se déplace très bien à Ligue Bleue sur un le gars, power un play, gars qui crée pas de revirement, un gars qui est calme, un gars qui peut faire circuler la rondelle. Il est fluide, il est calme. Ben, il a une bonne passe. Un russe, Asti. Mais là, on a vu une game. Je capote pas. Gunshar, on se personne fait pas. Personne n'est bandé Gunshar, puis personne dit que c'est le sauveur Gunshar. Non, non, vraiment pas. Ça a été Kleenex. Il y a quand même 40 ans. C'est une bonne assiette. Pour le Canadien. Il a quand même 40 ans, mais sérieusement, j'avoue que son move à Bergevin, il était bon du fait que Asti, le power play, le power play est en panne. Le power play. Le power play, c'est Subban. PP man est en panne, Asti, puis que là, quand même, veut pas, c'est, ça nous a mené à notre premier but. Ben, il était pas il était ouais. pas, pas sur la glace, mais il y a un ouais. scout de l'Ouest qui parlait justement de Gunshar. Un scout. Ouais, un scout. Un scout. Il vendait des biscuits. Il vendait des biscuits. Il parlait de Gunshar. Les journalistes ont demandé, il dit, écoute, parle-nous de Gunshar, tourne-nous de coups de positif. Dans l'Ouest, les gars sont plus gros. Fait que Gunshar, c'est sûr et certain que c'était plus dur pour lui parce que son temps de réaction a ralenti. Mais dans l'Est, ça va être plus facile. Fait que d'après moi, à Montréal, ça pourrait être tout un asset pour nous autres. Une belle assiette. Ouais, mais c'est pas compliqué, là. Tu sais, Marc Bergevin, il a fait un rêve. puis est allé chercher des assiettes dans un team différent. Sérieusement, là, dans la situation de powerplay qu'on a à Montréal, là, gars, ça peut pas être mauvais d'avoir Gunter dans notre bord. Non, puis même en défensive, il va pas, il va pas nous faire mal. Hey, les sorties de zone, Chris, qu'on a de la misère, sérieux. Ah ouais. Là. Il va l'améliorer. Mais Chris, t'as Gilbert, sa première, sa, pas sa première, mais il joue sa troisième sur le powerplay. Non, mais t'as Gilbert sur le powerplay. Encore hier, il était là, man. Ben, Beaulieu, d'après moi, il va prendre sa place. Ben, moi, je mettrais Beaulieu, sérieux. Sacrement, man. Beaulieu, c'est du caractère en fait. Beaulieu, il va se placer, il va être solide avec le Canadien, je pense. Beaulieu, deux batailles en deux games, Beaulieu. Beaulieu, là, il essaie de démontrer quelque chose présentement, puis. Mais surtout que c'est un asti de colérique, ce gars-là. Là. Oh, non, il est passé d'un gars au golf. Plus son père. Là. Ouais, mais, il y a encore une cause pendant. Ouais, mais il méritait, esti. C'est sûr, esti. Je sais pas, mais en tout cas. Le gars, il voulait pas pendre. Il voulait vendre la coke, il a cassé. Je sais pas ce qui est arrivé. Ah, d'après moi, lui, il est sa poudre à côté. Un autre. Il est jeune, fringant. C'est sûr qu'il est sur le gros sniffeur. Fait que. On peut-tu le blâmer de la bonne pourde? La petite bébé zone. Bergevin a eu une bonne nuit de sommeil. Et dans le bloc, non, de rien. Chris. dans le hier, je me suis couché, puis j'ai eu un rêve. Puis j'ai changé mon win pour Gunchar. Chris. Dans un team différent. Ouais, oui, faisant des rêves, mon chum. Là, la période est finie. Dernier point par rapport à Gunchar. Il y a du monde qui ont posé la question à Chandler Bergevin. Pourquoi on n'a pas pris Bouillon à la place de Gunchar? Oh, hey, attends un peu, juste deux secondes, je vais casser ton affaire, mais dans le board, il faudrait que tu ajoutes team différent. Un team différent, faudrait que je prenne la Mark, version originale. La version de Mark qui dit ça. Un team différent. Faut que j'aurais poigné ça sur l'épisode 15 de la post-mortem l'année passée. Moi, je sais qu'il y a ça à un moment donné. Fait que mais... tu parlais de Bouillon, je m'excuse. Ouais, on va regarder la réponse de Bergevin. Pourquoi est-ce qu'il a pas pris Bouillon puis il a pris Gunchar à la place? C'est, tu compares deux choses complètement différentes. Tu compares un joueur qui était agent libre qu'on est ici. Si j'aurais fait ça, pas. C'est certain j'avais. Que j'aurais Calais, probablement pas été capable d'envoyer Travis à Dallas pour Sergei Gonsar. C'est des choses complètement différentes. C'est Francis et Sergei, c'est deux joueurs complètement différents aussi. Tout à fait d'accord aussi. La version inédite aux journalistes, femme donc ta gueule. Ouais, ça, c'est François Gagnon qui a posé cette question-là. Ah, sûrement. Sa réponse est. Est claire et très précise, puis c'est exactement vrai. Je veux dire, j'ai été un défenseur de Bouillon. J'ai beaucoup aimé Bouillon. Je pense qu'il était capable encore d'apporter quelque chose dans une équipe de la Ligue. Mais c'est pas tout le même type de joueur. Là. Ah non, c'est sûr. Bouillon, non, Bouillon c'est pas les mêmes habitudes. C'est pas pantoute pareil. Là. C'est pas les mêmes habitudes. Présentement, Gunchar va nous donner... Bouillon va pas jouer sur le powerplay. Non, puis Bouillon... Il jouait sur le powerplay. Gunchar va nous rapporter plus. Non, j'adore Bouillon, mais... Gunchar est encore capable de pivoter un powerplay. Gunchar va nous rapporter bien plus de dividendes. Je le cale à soir, Gunchar fait son premier but demain soir. Oh! C'est le power play. On parle, on parle des comptes des Flyers. Fait que si ça arrive, on va tweeter une photo de l'autre Là, tu calls ça à froid, là, comme live, ça. Live, là, Gunchar compte son premier but dans l'uniforme du Canadien sur le power play contre les Flyers demain. Demain, victoire du Canadien contre les Flyers. Même sérieusement. Ouais, c'est vrai. Le Canadien va gagner 4-2. De fort demain. Moi, j'aurais dit 3-1, moi. 3-1 Canadien? Ouais, 3-1. Il gagne par deux buts. Ouais, on est dans le même genre. Moi, j'aurais dit 4-2, genre. Ouais, ben, t'étais pareil comme. Tout est pas original, Nasty. Ben, Chris, au moins, je suis un original. Ah, fuck off, Nasty. 5-2 Montréal, t'as pas de blague demain. Ah, fuck off, Nasty. 6-3, man. Moi, je dirais 4-3, peu importe l'équipe. On gagne, Nasty. On a deux. Demain, on gagne. 3-2 Montréal. Calice. Demain, on se déchire. Mais par exemple, tu sais, demain, on va. Ben là, ça a comme plus d'importance pour le monde qui écoute le podcast pas en direct, mais on est à 4 victoires en ligne. Les lois des probabilités veulent qu'on. Non, pour une défaite éventuellement bientôt, là, j'imagine. Fait que... Jamais ça. Non, non, pas demain. Pas demain, parce que la soirée du podcast va être sur place. D'après moi, ils vont peut-être perdre dimanche. Ouais, dimanche, c'est sûr qu'on c'est ça, deux en deux. Là, non, est-ce qu'ils vont gagner les deux games? Non, Tokarski va être dingo, puis il va aller nous envoyer. Ils vont gagner deux games, tabarnak. Si on se rend, là, je pense, à une séquence de 6-7 victoires derrière. Je l'aime bien, moi, le jeune Tokar. Moi aussi, je l'aime. T'es que Tokar. Tu l'as pris, ça? Non, j'ai pris trop d'extraits de Terrien Bergevin cette semaine. J'ai pas eu le temps. T'es que Tokar. Toi et ton père, vous êtes que des Tokars. T'as pris trop d'extraits de Bergevin? Et de Terrien. Non. Non. Non, mais c'est parce que là, il y avait beaucoup. Mettons qu'il s'est passé deux grosses affaires cette semaine, là, Bourque au mineur, puis l'arrivée de Gunchar, c'était beaucoup de stock en audio non, à prendre intéressant. Je te le conseille. Alors voilà. Sur ça, on va aller faire une mini entracte, puis on va revenir pour la période de prolongation. On va faire le tour de la Ligue nationale. Moi, Dave, j'ai une affaire à te dire. Je te regardais aller l'autre jour, là. Faut être gelé en nostique, manger des taux, ça me tarde. Nice! Alors, sur ça... Bon, quand j'étais jeune, je mangeais des sandwichs au ketchup. Ah, mais ça, tout le monde l'a fait. On l'a tous fait. Alors, ça, c'est comme un roteux pas de saucisse. Non, c'est juste sur ça, on va débuter l'overtime et puis on fait le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Ça rentre au poste en esti. La guette est loud, là. Alors, Around the NHL, on commence même en dehors de NHL. Il y a Kazan, l'équipe la plus riche du KHL, qui ont acquis les droits de Jiří Sekák il y a deux semaines. On s'en calisse. Elle est toute chier. Non, mais juste qu'on explique. Fuck la KHL, qu'on... KHL, on peut expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là, en fait, là. Au lieu de pointer l'écran et d'envoyer chier la KHL. Fuck you, la KHL. Check. Envoyer chier les Russes. Check. Non, fait qu'ils l'ont signé. La KHL, ça suce, man. En fait, ils ont juste signé ses droits si jamais il revient dans cette ligue-là, Sekák. Mais il est sous contrat avec le Canadien pour deux ans encore, si minimalement. Je me trompe pas, ouais. Si je me trompe pas, là, il y a plein de joueurs de la Ligue nationale que leurs droits sont déjà signés avec la KHL. Fort probable. Au cas qu'il y a un lockout, tu sais, Crosby, là, ses droits sont déjà acquis par une équipe de la KHL. Ok, si un lockout, ils vont jouer là-bas. Ils ont une main mise dessus. Mais d'un coup, qu'il y a un lockout, c'est eux autres qui ont le privilège de l'avoir. Sekák, là, il y a un contrat avec le Canadien, puis la seule raison, c'est je pense qu'il y a une entente dans son contrat qui dit que s'il est descendu d'un Bulldog, il peut s'en aller dans le KHL. Ouais, mais c'est ça. Le Canadien, ils sont pas caves, là. Ils sont pas partis. Ils vont le crisser dans les estrades, opé, manger des hot dogs, là. Ils vont pas l'envoyer, genre. Dans la zone des jardins. On l'a très bien pénétré, fait qu'il reste à Montréal. C'est ça. Ouais, belle pénétration. Il est très pénétrable, là. C'est pas comme un Costitine, hein. Tu peux pas le pénétrer. Ouais, je viens d'avoir un flash là. Asti que je t'ajeun Asti en ce moment là. Ouais, je suis tellement ajeun tabarnak, ça n'a pas de sens. Non, toi, sérieusement là. Tu nous écoutes puis tu capotes. Hey, ça me fait chier là. Pour, vrai, pour vrai, man, je veux vraiment pas être dans tes shorts. J'ai vécu ce que t'as vécu. Je sais que c'est pas facile, mais gars, accroche-toi. Man. Dave, il y a un sujet qu'on a eu cette semaine depuis moi. Merci, Marc. Le CH ont fait un article sur Tom Gilbert cette semaine sur leur site. Ouais, Tom Gilbert. Ils ont vanté. Gilbert. Non, mais là, attends un peu, là. Ils ont vanté Gilbert sur le site du Canadien. Son... Non, non, mais son linge, Chris, son... come on! Tu t'attends à quoi du site du Canadien qui vante Gilbert? C'est, moi, là, c'est juste... ça sent Mirador. Moi, là, cette année, si qu'on bâche sur Gilbert, il est pas si mauvais qu'on lisse. Vas-y. Mais, ça fait chier. Il est pas bon, mais c'est parce que vous attendez à ce qu'il joue comme... J'allais dire Subban, mais Subban, il joue comme un cul. Là. Mais jouer comme Markov, c'est un bon... Non, ça t'attend pas ça de lui, Calis. 4e, 5e, 6e défenseur. Non, mais, non, mais la, tu veux pas avoir Gilbert, c'est le deuxième signé peur, comme étant un 4e défenseur. Il est pas mauvais. T'sais, il est pas mauvais. Il fait pas il de la merde. Il est moins pire que je disais. Bon, toi, t'étais bandé, toi, là. Non, mais c'est ce qui arrive, c'est que t'étais bandé bien raide. Je parlais de stats. Hey, Mark, come on. Mais on s'attendait qu'il soit bon offensivement. T'es même pas bandé Gilbert comme t'es bandé John Scott, là. J'ai dit qu'on parlait pas de John Scott aujourd'hui. Ouais, Chris, on parle pas de John Scott. Il est suspendu, lui, là. Ben, justement. De quoi d'autre pour parler? C'est ça, pour revenir à ce que Dave disait, là. On s'attendait que Gilbert soit bon offensivement. Y a-tu un point à date? Ouais, il y a un point, je pense. Un point. Non, pas vrai. Je pense que. Non, c'est ça, on parle pas de Gilbert, on est around the NHL. C'est juste pour dire que. Il y a score un but. Non, il y a 3 points, Gilbert. Un but, 2 passes. Oh, un but, 2 passes. Plus 8. Mr. Fancy Stat. C'était juste pour dire à quel point que le CH le vantait. Hey, toi, t'avais pas comme une affaire sur Gilbert, tu voulais nous dire, là. Non, mais avant qu'on continue, Jeff, t'as pas 4 ben joueurs. Non, non, mais. Ok, c'est bon. On va t'expliquer ça demain. Ok, on se ramène à là, tout le monde. Jeff, t'avais pas comme 4 joueurs surveillés dans la ligue. Vu qu'on est dans Round the NHL, on va faire ça tout de suite. C'est ça, je vais y aller bien simple pour pas perdre trop de temps. Là. Dans le fond, là, si on regarde les clubs qui sont dans marde présentement, Colorado, on a Edmonton qui sont vraiment dans marde solide. Ouais, et puis, il y a des joueurs, en fait, là, que ça fait longtemps qu'on parle, qui voudraient être échangés. Okay. Bref, Montréal sont sur le point, en fait, pour le prochain trade, ça serait pour améliorer le club. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'on échange les joueurs qu'on aime. Les joueurs à surveiller au Colorado, Ryan O'Reilly. À Edmonton, on a des rumeurs sur Neil Yakupov. Ouais, ça arrête pas. Là. Evander Kane, c'est sûr qu'il finira pas la saison à Winnipeg, d'après moi. On le veut pas non plus. Et puis, j'ai pas le choix de rajouter le nom. Vous en avez parlé un peu il y a deux semaines, mais Jordan Eberle, s'il est disponible, je pense que Bergevin doit s'informer de la valeur de Eberle. Yes, boy. À Montréal, on a des défenseurs en esti. Fait que d'après moi, on va devoir se débarrasser de. Ouais, mais on a des défenseurs qui valent quoi? Dans ouais, mais attends, c'est les défenseurs qui valent de quoi à Montréal, c'est Beaulieu, Tenordi présentement. Ah, si, ça vaut pas si cher. Je pense que ça, je pense que Tenordi, sa valeur, Ouais, je sais pas. Ils sont pas sa valeur est haute parce que c'est un prospect, c'est un défenseur qui est gros, qui frappe. Non, c'est sérieusement... Ça, ce que je te dis, c'est des scouts qui ont parlé de ça. Sa valeur... Excuse. Sa valeur... La valeur de Tanner Dune Beaulieu va être bonne avec, je pense, un DG qui va être un peu à la Gardner style puis qui va prendre un gros guest. Pas nécessairement. Un club, mettons qu'un club, il sait qu'il ne fera pas les séries. Tu sais, c'est sûr qu'ils vont vouloir s'améliorer, prendre des jeunes prospects. Ah ouais, mais tu peux pas arriver avec un Tinardi Beaulieu contre un Eberle. Non, ça en prend bien plus que ça. On a un autre problème au centre. On vide la défense. Toi, tu parles de Plekanec. On leur envoie une coupe de Sherwood. J'ai une question vite pour vous autres, les gars. On s'entend que Gatchenok va jouer au centre un moment donné. Qui? On s'entend que Gatchenok va jouer au centre un moment donné. J'espère en tabarnak. OK, fait que là, on a trois joueurs de centre qui sont les trois premières lignes. Il apprend pas, là. Ben, il est très bon à l'aile, par exemple. Il est très bon à l'aile. Il faut lui donner sa chance. Il est centre, le gars. Desharnais, Plekanec, Heller. Si vous nommez, mettons, les trois dans un ordre là, du meilleur au plus pire, là, ça serait quoi? Attends, c'est quoi? Desharnais, Plekanec, Heller. Mettons, vous donnez votre top 3. Moi, je dis que Desharnais, c'est le pire. Sérieusement, parce qu'il n'y a pas de gabarit, ce gars-là. Heller, il est capable de faire des passes. Mêlé sur le trio avec Pacioretty, il est capable de faire des passes, mettons. Là. OK, fait que si je te dis, mettons, Heller contre. Entre Heller et Desharnais, tu gardes Heller? Ouais, je garderais Heller, ouais. Plekanec puis Desharnais, tu gardes Plekanec? Ben oui, absolument. Dave? Aïe. Le dilemme est entre Heller et Desharnais, mais... Ouais. Moi, je garderais Desharnais. Ouais, moi aussi, je garderais Desharnais. Tu gardes Desharnais? Ouais. OK, ben dans le fond, c'est sûr qu'on va devoir garder Desharnais parce que présentement, avec la valeur des joueurs, Desharnais, c'est lui qui vaut le moins. OK, c'est une question piège, hostie, ça. Non, c'est juste pour vous dire où est-ce qu'on en va. T'es tombé dedans. J'ai fait des études cette semaine. J'ai pas allé dans le top branche sec, là. Là, j'ai tombé 6 pieds en dessous. C'est plate à dire, mais dans le fond, mettons qu'on aurait un choix à faire entre Plekanec et Heller. C'est qui qu'on garde? Ben là, tu les gardes Plekanec, hostie, là. Ouais. J'ai le chandail, tabarnak. OK. Ma prochaine question. Hey, c'est sûr, toi. Si on a la chance de mettre la main sur un gros joueur, un bon joueur, là, un top 4, là, seriez-vous prêts de donner Plekanec? Oui. Ça dépend, c'est quoi. Ça dépend qui, mais je serais en... Je viens de faire le mot. Mettons un top, un joueur qui peut jouer ses deux premières lignes. Un top prospect ou un top joueur? Un joueur actif dans la Ligue nationale qui est capable de scorer 30 buts. Parce qu'elle a la différence. Ah, mais un joueur qui est capable de scorer 30 buts, il y en a en hostie, là. Pas tant que ça. Pas tant, man. Ben, je pense que oui. Pas tant. Veux des chiffres. Patrick Kane, Jordan Eberle, ils n'ont pas scoré 30 buts l'année passée. Check les centres qui font 30 buts. Ouais, mais ils font combien de passes, par exemple? On parle de centres? Je parle de buts, oui. Parle-moi en points. Ah, mais on veut juste des centres ou... Non, on veut un ailier, parce que Galchenyuk, quand il va aller au centre, ça lui prend un ailier pour jouer avec. Fait qu'on a besoin, OK, fait qu'on a besoin des top players. Ryan O'Reilly, Jordan Eberle. Ryan O'Reilly, là, t'as un hostie de contrat, là. 6 millions. Il est cher en calice, ce gars-là. Si tu donnes Plekanec dans l'échange, c'est 5 millions. O'Reilly vaut 6. Fait que dans le fond, tu donnes des contrats. Ça balance. C'est sûr que si on veut améliorer l'équipe, on n'aura pas le choix même d'échanger un joueur qui est bon et qui fait bien avec les Canadiens. Ça prend un joueur de valeur, mais ça va voir. Ça dépend ce qu'on va avoir en retour pour. C'est sûr qu'il va être le fun à suivre si la date limite des échanges qui est au mois de février. Ben, je te dirais qu'il y a genre 21 joueurs qui ont compté 30 buts la saison passée, des forwards. Ouais, mais ils ont combien de points? Ils ont combien de passes? Quand ça score 30 buts d'habitude, là. On parle de 30 buts. Okay. C'est parce que on ça score et tout 35 assists. Là, OK, souvent, on là. A genre... on a Crosby dans le top. Là, je veux dire, non, Crosby, on oublie ça. Ça prend des alliés. Getzlaff, Giroux, Seguin, Perry, Kessel, Hall, Ovechkin, Pavelski, Ben, Backstrom, Sharp, Thornton, Malkin, Marleau, Kopitar, Duchesne, Saint-Louis, Kane, Wheeler, Okposo, Krejci, Kunitz, Taves. Il n'y a pas un Chris là-dedans, il est à Montréal. Jagger, Tavares, Pedza, Eberle, Landeskog. Là, on commence à dropper. Eberle, là. Il est dans la liste des top 30. OK, mais c'est ça. Mais là, on s'entend que tous les 28, noms qu'on a nommés 28, au début, 30, là, c'est tous des joueurs concession. Clairement. Fait qu'un joueur concession, dirais, là, on s'entend là, que je te dirais jusqu'au à peu près 10, à peu près genre 10-15 premiers joueurs. Là. Oh, ouais, mais t'as un peu Félix, erreur. Ça? Fatale des boss. C'est une barbie des Bruins. Erreur fatale. C'est une erreur fatale. C'est ça. Ben, ben dans le fond, là, pour avoir un joueur prospect, le prix sur le marché, là, c'est un joueur actif dans la ligue, un bon prospect qui joue déjà dans la ligue, puis un jeune prospect, okay, puis peut-être un choix. Non. Dans le cas de Boston, c'était un joueur qui était comme trop sur le party, qui n'a pas livré pendant des playoffs, puis qu'il a frustré, Boston, il a frustré la direction de l'équipe. Il les doigts présentement, versus, man, avec Seguin. Là. Versus, genre, Seguin, libérer est la masse top salariale. Dans la ligue, sinon, c'est quoi le prix que les Ducks ont payé pour Ryan Kesler? Ah, pour Ryan Kesler, c'est quoi? C'était un jeune joueur, dans le fond, qui était actif dans la ligue, Nick Bonino. Un jeune prospect puis un choix au repêchage. C'est le même prix que Dallas a payé pour Spezza. Je pense que ça va être le prix présentement à payer pour un ennemi. Seguin, 22 points. Ouais, mais Seguin, complètement... Il est en feu, c'est le meilleur marqueur de la Ligue présentement. Ouais, c'est le meilleur marqueur de la Ligue. Ouais. Score, ben, égalité avec Nash puis Stamkos est à 11. Puis il y a une autre affaire aussi qui fait qu'on ne sera peut-être pas obligé d'attendre la date limite des échanges parce que présentement, la différence de points entre la première équipe puis la 15e équipe, c'est 5 points. Entre la 15e puis la 30e équipe, c'est 6 points. Fait que dans le fond, la valeur pour un joueur présentement, c'est maintenant. Si t'attends la date limite, il va peut-être être trop tard. Fait ben, il va prendre la... ça va coûter plus cher. Le marché, si tu veux avoir de quoi, dans le fond, le meilleur retour possible, c'est maintenant. Puis Colorado, je pense qu'ils sont sur la panique présentement. Fait qu'il y a des chances qu'ils fassent un move. Edmonton, ils sont sur la panique présentement. Winnipeg, ça va bien. Edmonton, ça fait 3 ans qu'ils sont sur la panique, puis ils n'ont jamais bougé. Puis Winnipeg, ça fait un crise de bout sur sa panique. Là, ça va bien cette année. Ouais. Mais ils n'ont pas bougé non plus. Puis Evander Kane, ça fait 3 ans qu'il est sur le trade block. Le DG des Jets, Chayadoyev ou je ne sais pas trop quoi, là, il n'a jamais fait d'échange avec des joueurs actifs dans la ligue depuis qu'il est DG des Jets. Ah, mais c'est ça, mais c'est des hosties de cabochon. Bizarre, ça, ouais. Man. Puis Gart Snow, il a fait plein d'hosties d'échanges de marde, lui, avec des joueurs trop cette actifs. Cette année, ça va avec un club qui va peut-être faire les séries. Hey, thanks, Steve, Johnny Boychuk. Tabarnak, si le site de NHL vient d'updater live, Chris Voracek est rendu à égalité avec Crosby. J'étais comme, what the fuck? Ouais, Voracek est en start. Feu, là. Voracek, il roule. Hey, demain, c'est peut-être un des gars qui va nous faire mal. Ouais, mais en tout cas, après Noël, ça se peut que ça soit fini. On va le checker. Fait qu'à voir pour les échanges, j'avais toujours à racheter là-dessus de tout, Jeff, ou c'était non, c'était pas mal ça. Ouais. Fait que sérieusement, Voracek, c'est un sell high, buy low. Je pense qu'on va donner le mandat de surveiller les joueurs qui ont le potentiel d'être échangés pour le CH. Je vous tiens au courant sur Twitter et sur. Excellent. Yakupov, moi j'y crois Yakupov, pas ces rumeurs-là, man. Yakupov, c'est possible parce que on le veut pas, Yakupov. Puis Yakupov, moi c'est sûr, je suis pas sûr, je le veux. Personne n'est bandé Yakupov. C'est un risque, là, Yakupov. C'est ça. Tabarnak. Puis c'est un risque de hot dog. Il y a beaucoup de. On va dire des. Je sais pas comment dire. Non, ça, des spéculations. Non, mais des professionnels du hockey, du sport, là, qui ont dit que. Si Galchenyuk n'avait pas été blessé l'année avant le repêchage, probablement qu'il aurait été avant Yakupov parce qu'il y a beaucoup plus de talent qu'Yakupov. Dieu merci ben oui. Qu'on l'a pogné. Oui, parce que... chance qu'il a été blessé. Dans parce que Galchenyuk était comme... Il était dans les top 3. Là. Il était fou. Il était dans les top 3 puis sa blessure au genou, ça, ça comme l'a comme fait de bien du monde. Mais parce qu'il n'a pas joué une saison complète. Je pense c'est que c'est ça la même année qu'il a joué 3 games dans sa saison-là. Il a joué 3 games, mais Yakupov, Galchenyuk, c'est la même ligne à Montréal. Ah, deux hosties de russes. Tout dépendant du prix. Trop d'éponge à vodka, man. Bon, on va dire les vraies affaires. Le Tyler Seguin, là, ben, il est plus le même depuis qu'il a reçu un hot dog sur la glace. Non, puis depuis qu'il est tatoué sur le bras puis qu'il fait le party sur des boats avec des chicks. Je l'ai dans mon pot puis je l'adore. Hey, lui, là. Hey, Tyler moi Seguin. Tout, moi et tout. Puis là, si je suis bien content. Moi, je suis sûr, c'est le genre de gars à faire le party avec Chicharelli. Hey, lui, là, à Boston, ils l'ont collé dehors à cause de ça. Il était gang de caves. Ça brosse. À côté, mais j'avoue que dans les playoffs, il était pas présent. Hey, eux autres, pas ils se rongent le frein. Hey, ils ont fait deux finales de la coupe avec Tyler Seguin dans la ligue. Ouais, mais il était invisible. Ouais, c'est un petit il a vraiment été invisible, pas vrai. Il était invisible, mais sacrément, s'il y avait un noyau, puis je compare Galchenyuk souvent à Seguin quand je jase avec moi-même. Là. Mais sacrément. Ça arrive souvent, ça. Ouais, souvent. Galchenyuk, Seguin. Oh, dans le miroir, je t'en dis. Galchenyuk, c'est quoi le petit problème, man? Galchenyuk, ce qui me gosse, puis. Que j'ai remarqué beaucoup qu'il fait, c'est qu'il essaie de faire des entrées de zone avec. Il a, des fois, ça marche très bien, ça genre de feinte, une puck entre les patins, tout le kit, là, pis tu sais. Ah, oh, mais il est jeune, mais, là, il va. Non, mais. Non. Là, par exemple, là, je comprends tout ça, là. Oh, mais Galchenyuk, là, sérieusement, je veux qu'il fasse. Hater. Non, c'est pas haters. Non, pour vrai, c'est comme. Je veux juste qu'il fasse comme un peu moins de trick, qu'il soit un petit peu plus straightforward, pis qu'il se serve de son wrist shot, man. Il y a une crise de bonne shot. Faut qu'il fonce, mon gars. Faut qu'il coupe plus au lieu d'essayer de faire des tricks. Puis au moins, Mark, essayer d'orienter un tir au net, man. Parce que ça prend des tirs au net. Le problème, Galchenyuk, c'est parce que c'est un playmaker. Puis un playmaker à l'aile qui joue avec un playmaker avec Plekanec. Ouais, ça marche comme moins. C'est là. Sûr que ouais, Mané, mais, ça bloque, non, mais je comprends. Mais c'est parce que je comprends tout ça, ce que tu veux dire. Mais il faut qu'il shot, man. Il y a une crise de shot menaçante du gars-là. Il y a une super shot. Puis il y a une super bonne shot, mais je suis d'accord avec Jeff. Il est trop... c'est vrai que c'est un playmaker. À la base, le gars, c'est un centre, puis il est vraiment playmaker. Mais oui, c'est vrai qu'il a une bonne shot. Il s'en sert pas assez, sauf man. Que il est sur l'aile, man. Soit le puck, man, coupe, c'est pas au apprendre. Faut qu'il en fasse des erreurs. Faut qu'il sait plus, man. Il a pas confiance à sa shot, ce gars-là. Il va se faire casser. Est-ce que... un gars qui a pas confiance à sa shot, là, m'a t'en donné un, man, dans le Canadien. Desharnais, man. Il cherche tout le temps. Il a pas de shot, man. Il a pas de shot. C'est pas un scoreur, Desharnais, man. Je m'excuse, man, mais il a un hostie de bon shot. Puis, quand il monte, là, tout ce qu'il bon shot, Dave, man, il a zéro shot, Desharnais. Tout ce qu'il cherche, c'est Pacioretty. Ah oui, parce que lui, des fois, il est tout seul devant le goaler, puis il aurait de la chance de scorer. Desharnais, il a zéro shot, man. Je m'excuse, là, mais oui, il a un bon shot, man. C'est quand même pas un mauvais shot, là. C'est de la merde. Est-ce qu'on est dans un round de NHL présentement, là? C'est de la merde. Desharnais, c'est pas un scoreur, là. Il ramasse des garbage. Allez, ouais, les gars, on va faire un bon shot pareil. Il pourrait tirer plus. Puis il pourrait scorer plus s'il tirait. Moi, mon point, c'est pas ça, mais il y a un d'arme de destruction massive drette d'un poignet mon gars, puis il s'en sert pas assez, man. J'ai pas comparé. De toute façon, je compare pas le shot avec Galchenyuk avec celui de Galchenyuk qui est des ligues Desharnais, là, mais il s'en sert pas assez. Je compare pas le shot de Galchenyuk puis de Desharnais. Je dis juste que Desharnais, il y a un on en parle même pas, là. Ben parlez-en pas, Estine. Il y a un bon shot, puis il shot jamais, il cherche tout le temps Pacioretty, puis il pourrait shotter pas mal plus. Ben si j'avais un shot à Desharnais, moi tout je chercherais Pacioretty. Anyway, Desharnais, on va s'entendre que fait qu'on va faire le tour de la Ligue nationale pour vrai, là. Alors, Dwayne Rolawson, qui avait pris sa retraite à 42 ans, a effectué un retour comme deuxième goaler avec les Ducks à 45 ans cette semaine. C'est fort, ça. Quand même solide, là. Hey, puis ça, on a vu ça, là. L'année passée, je pense, avec Buffalo, ils ont comme embarqué le gars qui était comme au... Ouais, le gars du manager du stock, là. Ouais. C'est pas le gars du vidéo, genre, que ouais, genre le gars des médias, là. Puis lui, il a déjà joué, genre, universitaire ou hockey ou je sais pas quoi, même plus bas que ça. Puis, il n'y avait plus de goal de spare, man. Puis, ils ont fait un jersey, ils ont fait un saut. J'aimerais tellement ça, aller voir un goaler se blesser, puis renvoyer le goaler de spare qui n'est pas formé à aller sur la glace. Ça serait incroyable, là. Ça serait un peut-être. Ah ouais. La chance du débutant. Il y a un règlement dans la Ligue nationale. J'avais vu un article après que le gars il avait fait le spare pour Buffalo. Il y a un article qui dit que le joueur qui se fait faire un jersey a le droit de garder son jersey après. Ah ouais? C'est tout ça, c'est tout comme codé là, dans la... Ouais, Pierre Gauthier était pas d'accord avec ça. Ah, Pierre Gauthier. Ça y est, le hat-trick Gauthier a été fait ce soir. On l'a mentionné trois fois. Si j'ai peur qu'il apparaisse dans le studio présentement. Gauthier revit ce soir, man, le gars que c'est le plus dans les 10 dernières années. Autre nouvelle, il y a Claude Julien qui a signé une prolongation de contrat de 3 ans avec les Bruins, puis après ça, il s'est fait péter 5-1 puis 6-1 là. Il est chanceux. Claude Julien. Mais après ça, il est allé chialer que toutes les games contre le Canadien cette année, c'était des deux matchs en deux soirs. Ah, c'est pour ça qu'il mange la merde. Qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui sur puis l'année passée, on a eu des games en deux soirs, beaucoup, je pense, contre les Bruins, puis on les a gagnés. Ben oui. Aujourd'hui, sur Twitter, il y avait une image sur Twitter, un gif animé d'une roulette. C'était comme les excuses des Bruins aujourd'hui. Allez voir ça sur la page Facebook. C'était la merveilleux. Toutes les excuses que les Bruins cherchent, ils en cherchent des excuses. Ben, Julien, mais sérieusement, je suis pas capable. La dernière game qu'on a vue, les Bruins jouaient zéro la game des Bruins qui ont jamais joué. C'est quoi ça? La dernière game des Bruins qu'on a vue, c'était comme... C'était pas les Bruins, ceux-là. Ils ont mis Svelte avec des buts. Non, c'est pas la première, Marc. Je pense Bruins que c'est les nouveaux Bruins. C'est vrai ça. Ouais, mais c'est les Bruins ça. Maintenant, man. Mais, OK, à voir qu'il n'y avait pas Chara, là. Puis que les ça change Bruns, comme vraiment... Mais Chara, il est rendu vieux, Chara. Il va pas le dire. Les Bruns sont dans la marde. Chara, pareil. Allez, les Bruns! Ouais, ouais, les Bruns sont finis, ils sont dans les rapidement, on va faire le tour de mes dernières nouvelles. Brodeur, qui voulait annoncer sa retraite, il a dit qu'il allait attendre un mois de plus pour voir les possibilités. Prends ta retraite tout de suite. Fatso, Brodeur. Fatso, c'est Brodeur Fatso ou c'est Roy, là? Non. Fatso, c'est Roy qui a appelé. C'est Roy qui avait appelé Brodeur Fatso. Ouais. Ah, Fatso. Il y a Ovechkin qui est devenu le plus grand pointeur de l'histoire des Capitals. Pas surprenant. Non. Ben, ils n'ont pas d'histoire, vraiment, les Capitals. Jouer. Hey, puis il y a Ribeiro qui a sorti de quoi d'intéressant cette semaine dans la presse. Ouais. Il faisait moins de bière. Qui était il dit qu'il prenait plus de bière, mais il a dit qu'à Washington, avec Ovechkin, là, c'est la merde totale. Ben, c'est pas surprenant. Ce gars-là, c'est zéro un joueur d'équipe. C'est une star, man. Il joue pour le fame, il joue pour le vedettariat. Ben, c'est un one-trick pony, man. C'est vrai, c'est un shot. Désolé, Barry Trotz, mais tu gagneras pas la coupe à Washington. Non. Est-ce que Barry Trotz est un moins bon coach qu'on le pense? Je pense pas qu'il est mauvais coach. Je pense qu'il est dans un team. Il est juste pas coachable. Il est dans marde. Il est dans un team. Il est dans le mauvais team pour démontrer son. Il est avec. Je pense que n'importe qui va à Washington, c'est impossible de le faire. Ah oui, oublie ça. Il a pogné le coach killer, man. Ovechkin. C'est vrai, ça. C'est lui le boss. Parce que Chris, on s'entend-tu que présentement, Ovechkin, le prédateur fonctionne à merveille. Ouais, Peter Laviolette, typical Montreal. C'est le gars qui a les cheveux de même. Lui qui est liché. Lui, là, que. Dans le fond, il a pogné le jackpot, puis la Violette aurait aimé coacher cette équipe. Non, mais la Violette, c'est un coach défensif en même temps. Puis non, lui, il mise à l'offensive, puis en plus, qui était pas la Violette, excuse, Trotz. Trotz, mais puis juste pour revenir à Nashville, là, on s'entend-tu sur quelque chose? Là? À défense, ils ont Weber, ils ont Josie, ils ont Seth Jones, qui n'a même pas encore atteint son apogée. Là. Nashville sont à surveiller. Puis Corinne, là, c'est pas un 2 de pique, ça. Là, c'est là, pas Nashville, d'après moi, ça s'en va là, dans la bonne direction. Il faut voir qu'on les prenne au sérieux, là, ces petits gars-là. Là. Ouais, ça s'en vient. Hey, ils ont pogné James Neal, qui risque contre 3 tonnes marne. C'est quand même quelque chose, là. Moi, je capotais cet été. Comme Mark a dit tantôt, il est emballé, esti, avec un petit ruban, avec... Ben ouais, tabarnak, il a pas ni rond. Ouais, mais James Neal sans Crosby, ça fonctionne. Il y a 7-8 buts à date depuis le début de l'année. Il joue avec Forsberg. C'est qui est au centre? C'est notre Alex Krohn, c'est Mike Ribeiro. Ah, mais lui, c'est un assis passeur de corps. Neal, là, Neal, il a 8 buts présentement. On va dire, Ribeiro, il y en a passé des pocs, sa palette. Il y en a passé des filles. Oui. Ribeiro, si tu as une histoire sur Ribeiro, là, dans le fond, la raison pourquoi il est marié, là, c'est parce qu'il a fourré une danseuse, il l'a mis enceinte, puis son père, il a dit, mon tabarnak, tu vas marier. Est-ce. Ça, t'as-tu c'est... appris ça dans tes vendages c'est des Portugais, non, okay. Puis j'ai des gens que je connais dans le village portugais. Toi, là, est-ce, quand tu vends des chars, est-ce, t'as des contacts, hein, pareil? Ben ouais. C'est bon, ça. Un informateur privilégié. Ben oui, Guillaume La Tendresse. Ah, le gars avec les cuisses molles dans la série. Small, ouais, cette semaine, il y a Chris Higgins qui était dans l'actualité pour. Il avait autant de points que le meilleur marqueur du CH cette saison. Chris Neal. Chris Higgins. Ah. Il y a quoi? Autant de points que le meilleur marqueur du CH cette saison. Ben, je suis content pour Chris. Bof. Ok. Check. Je vous donne des. Ouais, mais des là, c'est qui notre meilleur pointeur? Là? Je sais plus. Pacioretty présentement. Et voilà. Avec bon. Pacioretty, ouais, c'est correct. Autre nouvelle, il y a Carter Ashton des Maple Leafs qui a été suspendu 20 matchs pour dopage. L'ailier droit a indiqué qu'il avait consommé sans le savoir du clambutérol en utilisant une pompe afin de traiter l'asthme. Ben, t'as pas. Non. Une pompe à pénis. Check. C'est des petites nouvelles rapides comme ça. Moi, je vous pose la question. C'est longtemps que t'avais pas mais dit c'est quoi, lui là, je dirais, voilà, c'est quoi son nombre de minutes de pénalité par rapport à son genre time on ice? Je te dirais qu'on s'en... À qui ça? Ashton Carter? Ouais. Carter Ashton. Ashton Carter. C'est vrai que c'est dur à... Ouais, mais c'est comme deux noms de famille, c'est-tu, là. Pas comme Ashton Carter. J'aimerais vous rappeler que Théodore, il a pris de la Propecha puis il a été suspendu, je pense, par le Canadien. Hein, la Propecha. L'affaire pour les cheveux, là. Pour un gars qui dit qu'il prenait de l'échec parce qu'il calait des cheveux, Chris, il y en a en crise des cheveux. Là. Ça marche en tabarnak, le Propecha. Hein. quand tu regardes sa shape, c'est sûr que c'était pas caché des hormones de croissance. Ben quoi. Non, hey, Théodore, Chris, est... Chris, il est fait comme une biscotte. Ok, tour de table rapide. Je vous demande la question suivante. Avec le mauvais début de saison de l'Avalanche, est-ce que la job de Patrick Roy est en danger? Non. Non, tu connais, j'ai dit pas le roi Patrick demain. Non. Okay. Non, je pense que le problème, c'est qui le DG? C'est-tu Roy ou c'est Sakic? C'est Sakic. Ben, Sakic, Asti, il a fait une job de cul en pognant Brière puis Higgin Lush. Ouais. C'est ça le problème, ils ont pris deux vétérans. Ouais, mais Roy, il a son mot à dire, je pense, c'est tout. Hein? Roy, il a son mot à dire. Il a sûrement que. Varlamov, il est pas bon. Ouais, mais Varlamov, il y a eu un accident. Ouais, mais l'année passée, la défensive, c'est comme il a coupé ça. T'as chié. Ouais, mais attends un peu, là. L'année passée, là, il était-tu sur un gros high, puis il date. Ben, c'était la lune parce de miel. Varlamov, il a sa poudre. Je m'excuse, là. Une belle passe, hein, Marth. Non, mais tu regardes où ce que son partenaire. Mettons, on part de l'année passée, là. Ouais, la poudre était bonne. Il était bonne en tabarnak, il était sur un gros high. Mais l'année d'avant. Ben, je pense que l'Avalanche est revenue à peu près à ce qu'il était. Là. Exactement. C'est ça le problème. C'était comme une saison comme pas rapport. On dit, ben, quand t'as un goaler qui goal sa tête comme l'année passée, comme Varlamov vient faire. Ouais, c'est ça, mais lui, battait sa femme. Bon, la réponse est non. Roy, sa job est pas en danger cette année. Rapidement, Chris Kreider fonce encore dans un goaler. Asti de manger une marche, t'haï. Et lui, on va y péter à Yann un moment donné. Bah, il y a une job. Hey, Chris Kreider, tabarnak, viens t'aïcite. Bon, ok, c'est différent, mais Gallagher fait un peu la même style d'affaire. Ben non, non, mais il plonge pas les deux skates en avant. Ouais, au moins, là. Mais je veux dire. Il fonce le goaler pareil. Je veux dire, tu sais. Il plonge pas les deux skates, smart. Il fonce vers le goaler, puis il break à dernière minute avec les deux skates en avant. Tu sais, je veux dire, il sait qu'il va tomber, puis qu'il va rentrer dedans quand même. Non, je sais, mais je veux dire, on peut pas bâcher ta. Il commence tranquillement à avoir une réputation dans la ligue, là, pareil, le gars. Là. Ben, il l'a, mais comme Gallagher a sa réputation aussi de vouloir rentrer dans un goal solide puis d'aller bâcher dans le monde. Pis c'est... Les refs, ils pénalisent même plus. Ils pénalisent, je veux dire, pour « Hey, Chris, t'as la fin, Kreider, il a même pas eu ça. Ça non, puis je suis certain que Price, il va y coller ici un coup de blocker, ça y est. Hey, lui, là, Avez-vous vu Price lever le casque à Taves? Non, j'ai pas vu ça. Vous avez pas vu? Taves est en avant du goal, puis genre, il a poussé Taves dans le dos. Ah oui, j'ai vu. Il a comme levé son casque, puis là, Taves a perdu son cage. Ah, c'était écœurant, man. C'était wow. Ouais, oh, ouais, Price, t'as un effrayant. Puis même, là, que je te dirais même pas, là, je te dirais même pas que... Genre, il crissait un coup de blocker, c'est même un coup de biscuit, man. Ouais, oui, c'est... Hey, c'est qui le joueur cette semaine qui a crissé un coup de bâton dans les couilles de l'autre? Ouais. Un sourire. Ah, c'est Delaurier. Delaurier a collé un coup de bâton dans les chenons d'un joueur. Hey, avez-vous vu le soccer punch d'Antoine? Est-ce comment que ça s'appelle? Antoine, c'est cœur. Le gars, il avait juste il gèle le goaler. Après ça, il gèle le joueur, man. Il gèle tout ce qui bouge. Hey, c'est un style là. Hey, punk-toi un chandail de Roussel. Non, je peux pas parce que tu quoi? C'est un hostie de français, ça. Ouais, mais attends un peu. Ça, c'est un hostie de poudré, là. Roussel! Hey, as-tu vu ça, man? Il a le cou large, la main. Ça, c'est un asti poudré, là, c'est sûr. Sérieusement, là, là je le vois dans une cabane à sucre avec une ceinture fléchée et bûcher du bois toute la journée. Il a le cou large, la main. Il a comme le cou d'Ultimate Warrior, man, asti. Hey, une belle nouvelle. Thomas Caberlé a signé un contrat d'essai à Hartford dans la LAH. Oh, ben oui, j'ai vu ça à matin. Première c'est... ou peut-être dernière étape, un retour dans la Ligue nationale. Non, oublie ça. Là. Fini Caberlé. Ils veulent l'évaluer. Je veux juste que Vigneault lui donne une chance, tabarnak. Parce que Vigneault, là, depuis l'année passée, là, je l'ai en esti. Ah ouais, Vigneault là. T'es plein de haine à soir GM. Ah oui, bon, ouais, ouais. C'est la gauche. C'est la gauche. Il y a de Hulk, tabarnak, je te dis. Il dirait que c'est con à soir. Dernier point, je pense que c'était aujourd'hui, il y a eu l'intronisation de la renommée pour plusieurs joueurs. Alors, Le temple de la Dorothée. Il a fallu que je leur dise. Alors, on a introduit cette année Mike Modano, Bill McCreary, ben oui. Dominic Hašek, Peter Forsberg, Rob Blake et Lynn Gignac. Peter. Qui est l'épouse à feu Pat Burns. Là. Lynn Gignac, c'est bon. Alors, Pat Burns a finalement été introduit au temple de la renommée. Il aurait pu le faire pendant qu'il était vivant, Carlis. Mais non, sérieusement, moi, je dirais Mike Modano. Là, c'est comme. Non, mais je pense que tous ces joueurs-là ont été introduits. Ok, ils ont été introduits. Ouais. Ben, en tout cas, j'ai vu des photos de tout le monde avec des bâtons donc, au temple de la renommée. Ah, ben, ça, tous les joueurs qui ont un bâton. Fait que Mike Modano, Bill McCreary, Dominic Hašek. Lynn avec son bâton. Peter Forsberg, Lynn avec le bâton. Puis ça revient à ce que je disais tantôt. Il y avait une question sur TSN qui disait Forsberg ou Lindros. Bon, on va y avoir la réponse. Forsberg. Ben, de toute façon. Ben, c'est probablement pour ça qu'il pose la question. Même sans là. Ben oui, mais même sans ça, je veux dire, Forsberg, là, 100 000 à l'heure. Là. Ouais, puis j'aimerais profiter pour dire que Hašek mange la marde. J'ai toujours haï Hašek aussi. Casse, Sti, étais-tu là de son casse, tabarnak? Ouais, aussi, là. Hašek, tabarnak. Souvenez-vous contre Ottawa, tu sais, un moment donné, on a perdu, je pense, 4-0, puis Hašek a dit, c'était la game la plus facile que j'ai eue de ma carrière. Ouais, on chier. Tu sais qu'on est ici de la soirée de l'agressivité, man. Ah ouais, la soirée, donc calisse une volée, man. Hey, non, t'as peu, il y avait une rumeur qui avait sorti quand. C'est-tu toi qui avait sorti ça? En tout cas, on se dit genre ça. On parle. Puis, il y avait la rumeur que ce serait Heller qui serait échangé à Edmonton contre, tu sais, genre Yakupov ou je sais pas. Ouais, il y avait une rumeur qui sortait, c'était Heller puis Beaulieu contre Yakupov puis Jeff Peachy. Ah, il y avait pas Bourque et tout dans ce trade-là? Non. Ça, ok, bon. Ah, Bourque. Anyway. Je en passant, Hašek, il a fourré la femme à Ten Nolan. Une indienne! Tu as pu ça en vendant un Acadia, ça? Il a appris ça à Cinnamon of the Howard. Non, c'était des rumeurs à l'époque. Acadia. Non, mais. genre, Heller pourrait jamais aller à Edmonton, anyway, qui a dit que Edmonton jouait comme un club de juniors. Tu sais, c'est-tu de ça qu'il y avait sorti l'année passée. Hein? Hein? Mais c'est parce qu'Edmonton a besoin d'un joueur de centre. Fait que c'est pour ça que je pose la question pour le joueur de centre tantôt. Hey, puis peut-être Edmonton, que... On parlait pas d'Hachek. Ouais, Mais oui, ça fait le tour de mes sujets. Il y a quatre questions du public qu'on va faire. Ça fait pas le tour de tes sujets. T'en as d'autres, ok. Tu es de barrage. Alors là, on va faire ça rapidement. On a eu des questions du public. Fuck it. Comme si on était sur la poudre. Ouais. Alors allons-y. Il y a Mathieu Lamar qui veut qu'on parle de la blessure de Connor McDavid pendant une bataille. Attends, qu'est-ce qu'il veut qu'on parle? Est-ce que genre général? La pertinence des bagarres, est-ce que... Honnêtement, je pense un peu la même chose. T'as-tu vu ce pornographe, toi? Il a essayé de démontrer... Je sais pas, non. Ok, bah, je vais voir ce qu'il va dire. Il a essayé de démontrer du caractère, puis, je veux dire... C'est pas un batailleur. Ça va arriver à n'importe qui de se battre, puis je veux dire, c'est... Je veux dire, c'est un accident, là. Il a pas été chanceux, c'est pété une main, calice, là. Ça... Il va se battre combien de fois dans sa carrière? Mais le monde du pornographe ont écrit, il disait que ce serait pas une bonne idée de repêcher Connor McDavid parce que c'est un joueur qui est à risque, qui se bat pour rien contre des jambons puis qui risque de se battre. Pornographe, là. Ah, ben, ils font plus rien, ce pornographe. On vous colle des sportifs. Mais il s'est battu combien de fois, McDavid, à date, là? Bon, une couple de fois. C'est la première fois que j'entends parler. Il voulait se défendre, il s'est fait rentrer dedans, il était en tabarnak. Hey, non. Ça, c'est la game de hockey, man. De l'émotion, calice, puis tu prévois pas quand tu vas te battre. Si je vais dropper, je vais enlever mon casque. Ben, c'est ça. Tu prévois pas, tu vas te casser le phallus. Il a fait une erreur. Il a appris sûrement de ça, puis je suis sûr qu'il va apprendre de ça. Puis c'est un... Chris, il est jeune, man. Il a quel âge? Il a même pas 17 ans. Il a 17 ans. Je mange la merde. 17 ans. Il a 17 ans. Fait que, gars, sérieusement, là, ça vaut vraiment pas la peine de recommencer à faire un débat sur les bagages. Mais le problème, c'est quoi? C'est que là, le monde capote parce que, ah, là, il jouera peut-être pas pour équipe Canada. Ça, c'est sûr. Il est juste blessé cette semaine. Il va être prêt mais sa place est comme c'est sûr qu'il va être là, puis s'il est pas là, même à son sang calice, anyway, c'est des titres de barrage, il va être repêché premier anyways. Philippe Quentin, femme ta gueule. Philippe Quentin, c'est le pire des pires. Moi, il tue l'être calice. Mais les batailles. Femme ta gueule, c'est du hockey, Chris. On joue pas à ringuette, tabarnak. Ça aurait pas du hockey ballon. Ça a pris 4 games avant que Jeff débloque. C'est bon en tabarnak que t'as bien là. C'est moi qui bois pas, pis c'est Jeff qui pète des coches, tabarnak, je comprends pas. Ouais, ben là, c'est bien correct. Ok, prochaine question de télébarrage. Jerry Godbout qui veut savoir, en fait, il veut qu'on parle de l'arbitrage de marde cette année. Il y a eu un call cette semaine contre le CH. Ça, c'est pas le un gars petit coup de podcast hors jeu. Ouais. Hey, on vous call out le podcast hors jeu. Hey, vous autres aussi, là. Hein? C'est assez le niaisage. Non, mais cette semaine, il y a eu une pénalité pour le Canadien pour un petit coup de bâton d'un gars qui est complètement. Qui s'est pitché à terre, Bill Schmidt en fou. Je me rappelle plus quelle équipe, là. C'était contre Winnipeg, ça. Ça se peut, c'était dégueulasse, là, comme call. Il y en a eu plusieurs cette année, là. Il y en a eu plusieurs. Est-ce qu'on les remarque plus ou c'est de pire en pire? Non, on les remarque plus. Remarque plus, tu sais pourquoi? Parce que ils ont justement mis le règlement par rapport à ça, je pense. Fait qu'à cause de ça, on dirait que ça sort peut-être plus, puis qu'on dirait qu'ils veulent les montrer encore plus. Bon. C'est ça, puis l'arbitrage changera jamais, ça a toujours été de la merde. L'arbitrage, c'est comme inégal. Ouais, l'arbitrage au hockey, c'est de l'hostie de merde. Bon, on le dit tout le temps, mais il y a trop d'interprétations de l'arbitre. Tout le temps, puis c'est comme bon. À deux arbitres, c'est pire. Boston se sont tellement fait... pénalisé, sérieusement. Ah, je pensais que t'allais dire pénétrer. Ça aussi. Ah oh, ouais, dans le cul, tabarnak. Ouais, c'est dans la gueule. Prochaine question. Ouais, c'est bien vite, c'est aujourd'hui. C'est parce que t'es pas chaud. On a pénétré les bros dans le brun, esti, bon, il y a, Kevin Bergeron. Faut que je me saoule. Kevin Bergeron, qui, je pense qu'il parlait probablement de Bourque. Ben, en fait, la phrase qu'il nous a écrit, c'est tant qu'à faire. Il a écrit quoi? Attends, je recommence. Je vais prendre une petite gorgée. Chris, c'est-tu écrit? C'est un genre de dyslexique ou. Tu as un nom de tout. Parkinson. On en veut pas de Tourette. Ok, je recommence. Kevin Bergeron. Tourette, tabarnak. C'est à toi que je parle. Tourette, on te call out. Ouais, comme Quentin. Kevin Bergeron écrit « Tant qu'à faire des échanges entre du bois mort et du bois sec, vous auriez fait quoi? » Ben, moi... C'est quoi le rapport? Bowen-Gonchar, je comprends. Probablement Gonchar-Mowen, du bois mort et du bois sec. Mais ben, premièrement, Gonchar, c'est pas du bois mort. Il pense qu'il est sec plus que mort. Mais là, c'est quoi du bois sec? C'est du bois qui a le... Ah, moi, je sais pas, là, c'est ce qu'il nous a demandé. Attends, là, c'est sec, Gonchar, repose la question. OK, alors... Tant qu'à faire des échanges entre du bois mort et du bois sec, vous auriez fait quoi? Bon, donc, mais c'est quoi tu veux savoir? Attends, donc, de Moen, on va dire, Moen, bois mort, Gunchar, bois sec. Un peu de lubrifiant là-dessus. Attends, je le sais. Du bois sec, ça allume bien en tabarnak. Et voilà, tout a été dit. C'est moi, c'est Kevin. Ouais, du bois mort, c'est sec. Ça brûle pas vite, man. Ça brûle vite en esti, puis après ça, t'as plus rien. Là. Ouais, c'est ça qu'on l'a juste pour cette saison. Et voilà. Tu mets du papier, puis tu garoches, ouais, puis ça brûle. C'est ça. Tu mets de la gazette. Tu mets de la gazette. Puis tu calisses quand t'es. Sors de quelle année, Dave? Tu mets de la gazette. Tu sors des années 72. Qu'est-ce que c'est ça? 72? Les années 72. Ces années-là. OK, il nous en reste une dernière question. Ah oui, oui, oui. Dave, il s'essuie encore avec de la gazette. Amène-moi une gazette. Hey, j'ai tellement envie de pisser. Ah, moi aussi. Ah ouais, sors là la question. La dernière question de Maxime Wimette qui veut savoir « Sergei Gonchar pourrait-il être capitaine dans la chambre vu son expérience? » Tabarnak. Capitaine dans la chambre? Ouais, juste dans la chambre. Ben, est-ce que c'est qui? Je m'en fous. C'est Maxime Wimette. Quand Wimette. La game est finie, il donne le siège. Non, il vient d'arriver, il débarque l'avion, okay, puis il colle ça sur le chest. Il demande s'il pourrait être capitaine, vu son expérience. C'est tout ce qu'il demande, dans le fond. Ben, il peut avoir du leadership, probablement, oui. C'est ça. Ben, moi, je pense, qu'il peut être le capitaine d'un souper, Allez, anyway, on va régler le ça. Le gars qui s'assied au bout de la table. Là. C'est l'année prochaine qu'on va déterminer un capitaine, puis l'année prochaine, il sera plus là. Ah, mais sérieusement, moi, le avec capitaine... sa fâche, je le verrais comme un capitaine de bateau. Ouais, non, mais je sais pas, vous autres, là. Moi, je le verrais sur une bouteille de vodka. Un genre de Captain Morgan. Ouais, avec le pied dans les airs, là. Non, mais sérieusement, là, le capitaine, on pense pas à ça pantoute, là. Quoi, mais ça? Non. Tu sais, le capitaine, sérieusement, ça va pas on... frôler l'esprit. Hey, présentement. Le capitaine, faut pas capoter ça. De toute façon, on prend ça vraiment pas cool. Non. Non, puis on s'en crisse, on est premier dans l'Est. On s'en fout du capitaine présentement. C'est quoi le capitaine dans le fond? Capitaine, c'est genre. Marre, c'est moi qui le sais. C'est moi qui vais parler avec le ref. Hey, y a-tu un capitaine russe dans la ligue à date? Cette année? Oui, Ovechkin. Ben, Ovechkin. Bah, bon, tabarnak, c'est pas une référence, à part ça. Mais là, t'as demandé, là. On va te le donner, là. Asti, je suis pas chaud, Asti. Je suis pas chaud, tabarnak! C'est bien plate, Asti! M'en va, Asti! Hey, pauvre toi! Alors, sérieux, sur là. Ça fait le tour de l'épisode 4 de la soirée du podcast. Hey, on le saoule. Prenez vos fonds, tout le monde. Shooters, écoutez bien la game contre les Flyers. Peut-être que vous allez pas nous apercevoir à l'écran parce qu'on est tellement si haut demain, là. Ça aurait été cool. Ah, c'est mais avec le show de Toton, je vais On vous rappelle de regarder la petite chanteuse. Brianna, je sais pas quoi. Ah, c'est pas le qui chante. Non, c'est pas de Nono qui chante. Non, demain chemin pour nous autres, c'est le retour de Charles Prévost-Linton. Ou de Ginette. C'est sûr qu'elle est là. Ah non, si je veux pas Ginette. Non, pas toi, t'es trop gros. C'est sûr que Brianna est là demain. C'est sûr qu'elle est là. Moi, je sais même pas siffler. Non, sérieusement, on aime les gros. Je sais même pas siffler, mais demain, je vais l'apprendre. Fait que ça fait le tour de l'épisode 4 de la soirée du podcast. On se revoit dans deux semaines. Ciao tout le monde!